C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. On accueillera deux nouvelles chroniqueuses, Alexandrine Pichessir avec avec la crème de la crème, sûr. Et Cédric Gilbert nous apprendra à être plus actif dans son segment Activez votre santé. L'Assemblage requis commence maintenant. Yes, sir. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, ce mercredi 15 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut les anges. Salut les beautés ou quelque chose comme ça. J'ai plein de filles. En studio, j'ai deux filles. Deux filles. Je vais en avoir une troisième tantôt. Salut Alex. Salut, ça va bien? Très bien. Bon matin. Bon matin, bonjour. Amuse-toi en studio. Le studio est à toi. Ah, ben c'est moi qui commence aujourd'hui. Pas là tout de suite, là, mais on t'accueille. On veut que tu prennes ta place. C'est bon, je me sens confortable. Merci beaucoup de l'accueil. As-tu emmené tes pantoufles? Non, malheureusement. Prochaine fois, promis. On pourrait fournir les pantoufles, non? Yark. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Je préfère avoir mes propres pantoufles, personnellement. Je suis bien d'accord avec toi. Merci. Je déteste déjà de mettre ma bouche sur les micros des autres. Ils sentent bizarre, hein? On devrait acheter nos propres mousses. On avait nos propres mousses, mais j'ai perdu la mienne après genre 3 jours. T'avais ta propre mousse? Tout le monde avait sa propre mousse dans le temps. On avait débloqué un budget de 52 cents. Genre. Et n'avais-tu de la rose? Non, il y a des rouges par contre, apparemment. Sur eBay. Oh. Oh, la réaction de fille, là! Je pense qu'on est dû pour aller se magasiner des mousses, nous autres, là. On ira ensemble. Y a-tu une boutique d'accessoires de radio, ça? Juste de mousse. Ouais. T'as pas vu Mousse City? Ouais, la petite boutique. C'est ça le party, là, qui font le foam party. Ils vendent des mousses de micro, je pense. Oh, mais aux enchères. C'est ça. Donc, des fois. Est utilisé déjà. mais des fois, je veux dire, on peut quand même facilement en acheter parce que le marché des mousses est quand même petit à l'université. Donc, oui. Et en voie de développement. Oui. Ouais. Moi, ça me rappelle juste le bar, le mousse, là, au centre-ville. Tu peux manger dans ta mousse. Ben oui. Okay, bon. On a fait le tour des jeux de mousse. Un shooter dans la mousse. C'est ça. Donc aujourd'hui à l'émission, Cindy Gilbert va être avec nous à 8h pour la chronique Activez votre santé. Ça va être sa première fois. On va parler, je dirais, de choses qui vont vous mettre en forme. De santé. On voit que ça nous touche, hein? Oui, c'est plus Steph qui va lui parler que moi. OK. Donc Activez votre santé avec un point d'exclamation très important à 8h. Oui. Je pense que je vais lui demander un spécial qu'elle fasse un quiz juste pour tester tes connaissances. Et bonhomme, c'est-tu joué? Non, je ne sais pas. Si c'est dedans à la maison, peut-être. Des jeux de société. Oui, je sais jouer. À 8h30, si tout va bien, on devrait faire 6 minutes, ça devrait répondre là, la chronique de gadgets inutiles, comme on le fait le mercredi. À 9h, Stéphanie Paradis va nous parler du plus récent numéro du journal Zone Campus. Ok, oui. Premier de la session, volume 9, numéro 9, 9999, on dirait numéro allemand. Mais oui, c'est sûr que si tu le dis en criant puis avec une moustache, ça fait... C'est après le fourreur, ça va être l'UQTR. Ah, c'est bizarre. Ouais, bref. Mais on va débuter à là, pas mal maintenant, avec Alex Pichessir qu'on a accueilli tantôt et qui est... Colin est prête. Ben oui, je suis prête. Toujours prête. Comme un scout. Une scoutesse. Est-ce que tu peux nous faire des nœuds? Non, j'ai jamais été d'un scout puis c'était un des drames de ma vie. Ah! Oh. Ça avait l'air le fun d'être un scout. On n'avait pas ça, nous autres, non? Dans mon trou. Ah, nous, oui. Bon. Mais apparemment qu'on peut faire des nœuds dans une queue de cerise. Une cerise qu'on pourrait facilement retrouver au sommet d'un sundae qui contiendrait de la crème. Donc, c'est la crème de la crème. Mais on n'a pas d'intro, fait. C'était le jeu de mots que je voulais faire comme en entrée. Ah, ben ça, c'est une bonne intro, je trouve. Pas pire, hein? Queue de cerise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chronique La crème de la crème, c'est tous, nouveau donc. Aujourd'hui. Oui. Cette semaine, ben en fait, la semaine dernière, sur le mur Facebook d'Assemblage Requis, on a fait un petit sondage, savoir à Trois-Rivières, quels étaient vos hot spots. C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut trouver la meilleure poutine, le meilleur latte et où est le meilleur bar universitaire? Oh! Alors, d'après ces sondages, j'ai fait ma petite enquête et pour vous, je viens vous divulguer aujourd'hui les résultats. Oh! Ça, c'est excitant, pas mal, ça, là. Mais oui! Alors, c'est comme les Golden Globes, mais... Est-ce que tu es allé tester?

Merci, Alexandrine. C'est mais tout. Ça me fait plaisir. Oui, c'est tout. Merci d'accord. de m'avoir invité. Puis on se revoit dans 2 semaines. Exact. Tous les mercredis aux 2 semaines à 7h35 environ à Assemblage Requis. Alex Pichet-Cyr, merci. Merci. Bonne journée à vous et mais bonne journée, Luc UTR. Oh. Et venez nous rejoindre à la chiasse. On a eu du fun ensemble. Tu peux rester avec nous si tu veux. Si t'avais pas eu du fun avec nous autres, j'aurais dit ben bye. Bon, je peux bien rester un petit 10 minutes là avant mon cours. C'était peut-être du fake. Là. Non, non, je vous aime bien. OK. On s'aime tellement. Bon, donc pour ceux qui commencent leur matin avec un petit latte, qui continuent avec une petite poutine, qui finissent ça avec je sais pas trop quoi, là, d'autres choses, ben qui commencent tout de suite avec une clope et un café, tu sais. Genre. Ah. Téléphantine. On t'est très santé ce matin dans tes chansons, hein. Ouais, ça, ben, ça fait perdre du poids. Faudrait fermer la radio. Pas de change pour le parcomètre. J'espère que ça va passer. Une clope, un café. C'est parti pour la journée. Mais je regarde. Retour, c'est activer votre santé à Assemblage Requis. Et là, ne tenez pas compte du fait que la première pub du bloc vous, va vous tenter comme le diable. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis. On se mercredi 15 janvier 2014. Et les Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On a toujours Alex Pichet-Cyr avec nous pour encore un petit bout. Oui! Oui! Et là, pendant la publicité, ceux qui écoutaient tout le long, parce qu'évidemment, on vous conseille de rester à l'écoute pendant tous les blocs publicitaires, mais on vous a dit d'aller manger du Libanais au El Taouk, qu'on salue et qu'on adore. On vous a dit d'aller sur Internet genre rester assis sur votre ordinateur, taper exit-tel, zonecampus.ca, puis etc., etc. On vous dit quoi ne pas faire, parce que là, on va parler de faire les bonnes affaires qui vont vous mettre en forme. C'est le moment d'activer votre santé avec Cindy Gilbert. Allô! Bonjour! Salut! Ça va? Salut Stéphanie, salut Mathieu! Je pense que Stéphanie et Cindy se connaissent déjà, d'après moi. Une petite affaire. Peut-être que c'est l'une va avec l'autre, en fait. L'autre est la raison que de la participation de l'autre. Participation, excuse-moi, comme ils disent dans les pubs. J'ai rien compris de ta phrase. L'un n'empêche pas l'autre. C'est on ça. Va régler ça de même. C'est grâce à Stéphanie qu'on connaît Cindy. Bref, activez votre santé qu'on va retrouver aux deux semaines ici à Assemblage Requis et qu'on lit dans le Zone Campus aussi. Oui. Une autre activité, toujours le fun, tourner des pages, ça fait de la vente. Du muscle, oui. On peut vendre des pages. Si on veut. Donc, de quoi parlons-nous cette semaine? Ben là, premièrement, moi, j'ai une objection. Une poutine au café, là. Pas de bonne idée, ça. Hey, t'es supposé être de mon bord, là. T'es de mon bord de la table. Non. Ben là, Stéphanie, elle me dit un petit peu que vous étiez comme le noir et le blanc, comme le yin et le yang. Que Stéphanie, elle, est en feu. Elle fait attention à sa santé. Elle s'entraîne, elle bouge, elle fait bien son épicerie. Puis toi, Mathieu, tu seras un petit peu l'effet inverse. Oui, un petit peu slash complètement. Ah, voilà. Fait que toi, tu vas avoir des objections. On va te faire changer d'idée. Mais moi, je vais te demander si c'est possible de faire ça de façon immobile. À chaque fois que tu vas me dire quelque chose, puis tu fais ça en ne bougeant pas. Immobile, oui, j'ai une solution en arrière de toi. Il y a un mur qui semble assez stable, là. Une petite chaise au mur pour les 25 prochaines minutes. Là, ça pourrait être. C'est drôle. C'est stable. Non. Il se lève, là. Il s'en va le faire. C'est vrai que c'est immobile. T'as comme pas le choix. Mon micro se rend pas. J'ai une excuse de béton. Oui. Ben non, mais je peux continuer avec Cindy, toi fais la chaise. Oui, okay, toi, voilà, on va parler de santé. Là, je vais enlever ma chaise. De toute façon, tu ne te feras pas toute la chronique. Ah, je vais rester en position chaise sans ma chaise. Ah, 5 secondes. Moi, après 30 secondes, j'ai toujours les cuisses qui me shake, là, pour dire que j'ai le Parkinson. Ouais, mais la magie là-dedans, c'est que t'en fais 30 secondes, puis le lendemain, t'en fais 10 secondes de plus. Puis le lendemain, t'en refais 10 secondes de plus. À un moment donné, il faut que t'arrêtes parce que là, tu t'es un petit peu raqué. 30 jours après. Oui, hey, non, mais tu donnes une petite journée de pause par semaine. Ça, c'est les cuisses et les abdos, ça travaille, c'est ça? Ben, sensiblement, les abdominaux, oui. Ok. Tu restes bien appuyé, puis tu contracte tes abdominaux. Mais maintenant, on va se dire plus fesses-cuisses. C'est intéressant, hein, Mathieu? Non, c'est super intéressant. Puis quand tu dis de prendre un jour de congé, c'est ce qu'on appelle le jour du « Seigneur, ça fait mal! » Et dis-moi, je commence par le jour de congé. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de... Hey, là, j'ai un sujet à amener de 8 pieds de long. Là. On okay. se met en contexte. Là. On est le 18 décembre, premier party de bureau de Noël. Fait que là, c'est le fun, on fait le party, ouais. On va souper au restaurant, on boit un petit verre et c'est le party. C'est le fun, on décroche en bureau entre amis. Le lendemain, on a un conjoint qui a aussi un party de bureau. Donc, on retourne faire le party. Et là, encore le même restaurant parce qu'ils ont manqué d'idées à Trois-Rivières. La boisson et tout ça. Après ça, on enchaîne le 24 décembre dans la famille. Le Père Noël à minuit, le buffet, toute la patente. Ça se continue le 25 parce que notre famille est très grande. Et on continue. Puis après ça, on se rend au 28 qui se trouve à être un samedi. On s'est cédulé rendez-vous avec des amis. On refait le party encore. Des fois, on est chanceux, on garde nos restants de... L'avant-veille, on peut refiler ça à notre visite. Ça continue, on arrive au 31 décembre. On fête ça avec une bouteille de vin à minuit pour souhaiter bonne année. Et là, c'est sûr que le 1er janvier, c'est la première journée de l'année. Donc, on continue à fêter ça. C'est-tu splendide, le temps des fêtes? C'est le fun, on décroche. On a besoin, ça fait du bien. On voit du monde que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Mais arrive-t-il un jour, le 2 janvier, au matin? La réalité, oui! Parce que sur notre table de chevet, on a un énorme verre d'eau avec un pot de Tylenol à côté. Et on se dit, ouais, peut-être que je pourrais recommencer un petit retour à la réalité pour dire, bon, ben l'année dernière est terminée, on a fait le party pendant 2 semaines, mais là, bon, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait peut-être que je me reprenne en main. Et nous voici au mois de janvier. Fait que là, si vous me voyez venir avec mon sujet amené de 8 pieds de long, de quoi vous pensez? Je vais vous parler. De la remise en forme d'après les femmes. Ah oui, si! Puis, mettons, vos résolutions de janvier. Les résolutions. Oh, hein? En janvier, c'est ça. Fait que, mettons, Stéphanie, je te pose ta question. Ouais. Là. Tes résolutions, toi? Parce qu'il en faut des résolutions, là. C'est quoi les tiennes? Ben oui. Là, je te prends au dépourvu. Ben non, tu me prends pas au dépourvu parce que j'en ai une. Ah, puis, j'y tiens présentement. Ben, je veux faire attention à ma santé, à mon poids, parce que j'ai engraissé beaucoup. Pas juste pendant le temps des fêtes. Donc, faut brûler ça. Puis, en mangeant bien, en bougeant plus. Ah, guess, si tu fais plaisir à ton entraîneur, là. C'est comme si elle avait des comptes à rendre. Ouais, c'est ça. Bon, puis mettons Mathieu, toi. Moi, ça a aucun, évidemment, tu comprendras aucun rapport avec la santé. C'est plus ma santé financière, moins dépensée. Mais tu sais, les résolutions, c'est supposé ne pas être tenu. Donc, je me dis que je vais pouvoir dépenser. Mais toi, Mathieu, si t'aimes bien dépenser, est-ce que t'as pensé dépenser des calories à la place de dépenser de l'argent? Là, tu tiens un point. Tu l'as l'affaire, toi. Tu l'as l'affaire. Y a-tu un, je sais pas, y a-tu un jeu vidéo pour ça, quelque chose? Oui, les Sims. OK. Jeu vidéo pour dépenser les calories. Ouais. Oui, la gérer Wii. Son argent. Oui, la ben Wii. Oui. Ben, je l'ai, la Wii Fit, est dans le garde-robe depuis 3-4 ans. Ouais, c'est depuis sa sortie du magasin. C'est comme t'as ça? Ben parce que j'avais des bonnes intentions, Caroline. Moi, j'ai ça, des bonnes intentions. C'est comme ça qu'on commence, Mathieu. Lâche ouais. pas. Puis comment qu'on continue? De... Ben, peut-être juste de le laisser plugger. Ou après, de le sortir du garde-robe. Oui, sort du garde-robe, Mathieu. Le bon secret, enfin dévoilé. C'est comme quand on s'agite un tapis roulant au début du mois de janvier en se disant « Yes, il y a des spéciaux, j'entends parler partout. » Puis là, on est content parce qu'il est pliable et il se range facilement sous le lit. S'il n'est pas pliable, il sort de rack à linge pour le faire sécher. Oui, c'est vrai, j'ai déjà eu une elliptique qui servait de rack à linge. Et voilà. Puis on l'oublie sous le lit souvent. Oui, ben oui. Puis là, un coup, là juste de dire « Ah, faut que je le déplie. Faut que je le dépoussière. » Tu le déplies pour faire l'exercice à ton chat et mettre ça sur YouTube, comme tout le monde fait en ce moment, un chat qui marche sur le terrain de mille. Ah, je l'ai pas vu, celle-là. Moi, j'ai sur vu la chèvre qui crie. La chèvre, oui. Sur une chanson de pas Miley Cyrus. Puis Alex, t'en as-tu quoi des résolutions? Oui, puis ça avait un petit peu rapport avec ça. C'est que j'ai quand même un horaire du temps assez chargé, puis j'ai souvent pas le temps de me faire à manger. Puis ma résolution, c'est justement de me faire des petits lunchs sans être. Prendre le temps de prendre soin de moi. Oh, yes, c'est une belle résolution. Fait que là, mettons que dans les prochaines minutes, on va continuer de parler des résolutions de Stéphanie puis d'Alex. OK, bon, parfait, je me sens pas visée du tout. Mais tu peux élaborer avec tes jeux de mots puis nous les expliquer au fur et à mesure. Je peux faire ça. C'est la première fois qu'on me donne la permission avant la chronique de faire des blagues de mauvais goût. J'apprécie. Fermé 10 minutes d'avance, je n'ai entendu au moins 10 bonnes. Il a fallu que tu les expliques, mais un coup, ils sont expliqués, sont extraordinaires. C'est les meilleurs. Alors, les résolutions par rapport à la perte de poids, hein, c'est quelque chose qui revient souvent. Puis, en plus, on est bombardé au mois de janvier là, avec toutes sortes d'annonces à la télé. Tu sais, ce qui est un peu dérangeant, moi, ça me choque. Puis, en même temps, je trouve ça drôle un peu, mais reste que ça me choque. On voit à la télé un paquet d'annonces. Puis là, on se dit, ah ben oui, nos résolutions, on veut perdre du poids. Mais on ne sait plus où aller avec toutes les annonces qu'on voit puis avec toutes les solutions miracles qu'on voit. Puis là, on se dit, ben là, s'ils disent à télé, ça doit être vrai. Ben là, j'ai vu la fille à télé, son avant-après, puis en 30 jours, elle a perdu 30 livres. Puis on y voit pas la face. Ben ouais, c'est ça, c'est flou, c'est la deuxième photo. La première photo avec cheveux bruns, la deuxième avec cheveux blancs, tu sais. En 30 jours, ça a été réglé. Ou en noir et blanc aussi. En premier, c'est en noir et blanc. Pour ça, ça passe en couleur. Ta parouette est rendue bronzée. Oui, puis là, tu dis, quoi faire avec ça, puis on entend beaucoup parler, puis j'aimerais ça démystifier un petit peu ça avec vous aujourd'hui, dans le but de vous instruire aussi, puis savoir quoi faire puis quoi pas faire. Tu sais, déjà en partant, là, on se dit, tout ce qui est alimentation, entraînement, mise en forme, c'est une industrie, hein? Tout ce qui est marketing, ils ont décidé de se faire de l'argent avec ça, parce qu'ils savent qu'on est un bon public, puis qu'on est acheteur. On est influençable. On est prêt, on veut, hein, Mathieu, faire attention à ce qu'on dépense et tout ça, mais en même temps, on est prêt à payer pour trouver une solution facile. C'est ça! Puis on est prêt à payer bien cher, des fois, pour se dire, ben avec ça, il me propose une solution que j'ai pas besoin de me forcer. T'as vu l'affaire où tu peux juste saupoudrer genre du sel sur de la bouffe, puis ça fait que tu vas arrêter de manger. C'est un produit miracle. Ça coupe la faim. Ah, c'est comme les gens qui se rongent les ongles. Là, t'as un vernis qui goûte vraiment dégueulasse. Puis garde des solutions miracles comme ça. Il y en a à tonnes. Mais faut se dire qu'en arrière de tout ça, le but premier, c'est de faire de l'argent avec nous. Sûr. Fait qu'ils vont essayer d'inventer toutes sortes de pilules, toutes sortes de trucs pour nous guider. Pour essayer de faire de l'argent. Mais finalement, on n'est peut-être pas en business. Puis déjà, peut-être juste un petit point clé qu'on peut se dire. Aussitôt que la solution qu'ils nous proposent semble magique... Trop beau pour être vrai. On n'est pas dans Harry Potter, là. Hein? Ah, c'est ça. C'est pas nécessairement la bonne solution parce que, Stéphanie... Qu'est-ce qu'on peut faire pour perdre du poids à part une solution magique? Là, je te pose des questions, là, niveau de stress dans le tapis. Ben, bouger plus, ouais. Tout simplement. OK. Puis, perdre du poids, qu'est-ce que tu pourrais faire aussi? Manger mieux. Mm-hmm. Ah, voilà. Elle a eu la bonne réponse. Opération chirurgicale. Non, autre parenthèse. J'en parle pas dans ce débat-là. Tu vas couper une jambe, hein, faire amputer. Oui, tu vas être beaucoup moins pesant avec deux jambes en chanceux, moins. Ils sont chanceux, ouais. Les hommes trompent. Ils sont chanceux. Ils pèsent moins, puis ils sont pas obligés de bouger. Ils ont une bonne excuse. Mais les autres, là, mettons, quand tu dis ça va tout le temps direct dans les cuisses. Là. Ouais, eux autres, ils n'ont pas ce problème-là. Ils doivent avoir le tour de taille, peut-être. De toute façon, direct dans les cuisses, généralement, c'est plus un problème de femme. Là. D'accord. Mais dis avec tout le respect du monde. Oui. Ouais. Bon, oui. On respecte les hommes troncs. Ben, c'est sûr. Bon. Même si mon public cible. Alors, bougez plus, mangez mieux. quand on arrive avec une des solutions miérantes qui parle, là, il y en a un bon qui revient souvent, là, les régimes brûleurs de graisse, tu sais, de type fat burner. Ouais. T'as-tu déjà essayé ça, Stéphanie? Fat burner? Ouais. On a le droit, hein? Puis ceux qui nous écoutent aussi disent, ben moi, je l'ai essayé. On n'est pas nono de l'essayer parce que ça fait non, partie... Non, non, non, non! Non, non, non! Parce qu'on le sait pas. On est mal éduqués. On ne sait pas où donner de la tête. On va se dire, bon, ben si ça marche à la télé, je vais l'essayer. Un fat burner, ce que c'est, là, c'est une pilule. Non, non, non, suggérer. Non. Je prends pas de pilule, moi. Hey, ça peut être en gel, ça peut être ils vendent ça en toutes sortes de formules. Là. En saran wrap. Ils vont dire... En gel, clair, français, oui, enroulez-vous dans le saran wrap et prenez votre pilule. En... La pilule, là, ce qu'ils vont suggérer dans l'annonce, là, ils vont dire, bon, ben allez au McDo, puis entre deux gorgées de Pepsi de non diète, oui, prenez une pilule et vous allez maigrir. En gros, c'est ça. Ils disent, vous n'avez pas besoin de bouger, vous n'avez pas besoin de la solution miracle se retrouve dans notre petite pilule pour maigrir. Prends ta pilule dans ta sauce, ça gira douce. Ce qu'ils disent pas, c'est que dans ces pilules-là, ce qui se retrouve, hein, il peut y avoir plein d'affaires absolument nocifs, mais un des trucs qui se retrouve dedans, c'est la caféine. Ah. On le sait, hein, pour la santé, prendre un à deux cafés par jour, c'est pas nocif en tant que tel. En prendre plusieurs, ça peut être nocif pour la santé. Mais prendre une capsule remplie de caféine, puis là, il y a toujours d'autres noms. Hein? Tu le sais pas, là. Oui, oh oui. Puis, tu sais, guavana, qui est un autre ingrédient dedans qui va activer la caféine qu'il y a dedans. C'est dans les drinks d'énergie, entre autres, il me semble, du guavana. Oui, oui, ça, oui. Hein? C'est dans plusieurs sous-produits comme ça, du thé qui contient de la théine aussi. Tous ces produits-là font en sorte que ça va activer ton métabolisme. Tu vas au repos. Assis sur ta chaise, assis sur ton divan, brûler plus de calories qu'en temps normal. Oui. Comme si tu t'enfilais un café en arrière de l'autre toute la journée pendant 24 heures. OK. Oui, au repos, là, tu sais, oui. Mais le travail incroyable que tu demandes à ton cœur pendant le 24 heures, parce que veux, veux pas, c'est à long terme, cette pilule-là, ça fait que ton cœur, c'est absolument horrible, il va s'affaiblir, hein, veux, veux pas. Puis c'est sûr, c'est du long terme, hein, on va pas mourir après deux semaines en prenant ça, mais c'est pas l'idéal. Puis là, je fais une parenthèse. Tu sais, un cœur, c'est un muscle. Là. Plus qu'on va le faire activer, plus que les fréquences cardiaques vont augmenter, on va faire de l'activité physique, va augmenter, va s'épuiser hein, le temps qu'on fait de l'activité physique. Et là, je suis pas en train de dire, faites pas d'activité physique, ah, sinon c'est ce vous que allez... Ah, ah oui, je t'en regardais, là, Mathieu. Je disais, faites pas de l'activité physique, vous allez épuiser votre cœur. Non, c'est pas ça. Votre cœur va se conditionner à l'activité que vous allez demander. Puis plus que vous allez demander, plus que il va se conditionner, plus qu'il va être en forme et plus que tout ça va en suivre. La seule chose, c'est que d'activité une heure, deux heures par jour, c'est bon. Est-ce que je vous suggérerais de faire 24 heures d'activité par jour? Non. Non. Fait que le fait de prendre ce genre de pilule-là, ce qui active notre système dans le tapis pendant 24 heures, c'est là que ça devient pas bon. L'autre problématique aussi, c'est que souvent, ils vont dire « ça a été approuvé par Santé Canada ». Oui, Santé Canada peut regarder chacun des ingrédients dans un sous-produit puis dire « OK, on approuve chacun des ingrédients, on approuve la caféine. » Santé Canada approuve la caféine, c'est pas nocif en soi. Est-ce que ça veut dire que le produit ensemble au complet est bon et suggéré? Non. Fait que Santé Canada, quand il approuve quelque chose, souvent, il va approuver les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Souvent, il y a des pilules qu'on peut trouver aussi sur Internet. C'est ça, j'allais dire. De toute façon, maintenant, c'est assez accessible, des trucs hors Canada, donc qui sont pas approuvés du tout. Puis quand c'est pas approuvé, la fin, c'est qu'on peut avoir encore plus de produits dedans. Puis là, j'ai un beau nom ici, là, l'éphédrine. C'est un des produits qu'on peut retrouver dedans qui peut être nocif pour la santé. Puis là, c'est sûr que là, à ce moment-là, ça sera pas approuvé par Santé Canada, mais ça peut avoir encore plus de contre-indications sur notre santé. Fait que on n'a pas le contrôle sur ce qui est dans ces pilules-là, là, en vente sur Internet avec un bon rabais et tout ça. Il y a d'autres effets secondaires hein, qu'il peut avoir à toutes ces pilules-là. C'est sûr qu'un peu comme le café, ça augmente vos fréquences cardiaques, mais ça augmente l'anxiété. Ça augmente, on peut même développer des psychoses suite à la prise de ces médications-là, de la fatigue, de l'épuisement. Fait que, c'est sûr qu'au niveau de notre santé, on veut perdre du poids, mais on veut faire attention à notre santé. C'est sûr que c'est vraiment, vraiment pas indiqué d'essayer. Fait que, bref, on maigrit, on est mince, mais on a un teint livide, on est fatigué, on n'est plus capable de passer à travers notre journée. Exactement, puis on n'a pas d'énergie. Puis encore là, tu dis, on maigrit, on est mince, on ne maigrit pas tant que ça. Hein? Puis ça, c'est un autre truc qu'ils vont faire dans tous les produits qu'ils vont vendre. Ils vont dire, solution magique, vous n'avez qu'à consommer tel produit qu'on vous suggère. Et si dans les 30 prochaines minutes, ben là, je serais pas pire à faire ce genre d'annonce. Oui, si dans les 30 prochaines minutes, vous nous appelez, nous allons vous fournir un DVD d'exercice et un livre d'alimentation qui vont vous aider à perdre votre poids. Ils savent que il faut combiner tout ça. J'ai beau prendre ça puis activer mon métabolisme, si je m'en vais manger 3000 calories chez McDo, ils marcheront pas, les pilules. Puis à elles-mêmes, les pilules ne marcheront pas. Parce qu'il faut quand même jumeler avec le fait de bouger puis le fait de bien manger aussi. Là, c'est encore un rapport de déficit de calories. Oui, on active un petit peu, mais puis c'est pas magique, hein, on l'active un petit peu. Tu sais, je prends du café, là, ça va pas activer mon métabolisme à plus avoir besoin d'aller bouger puis mieux manger. Là. Fait que tu sais, il y a une petite part de vérité, mais tellement mince que ça nous rend pas nécessairement mince. Hey, je viens de faire un jeu de mots, hey, je suis dans mon affaire. Mince alors! Alors oui, merci de m'applaudir, ça m'encourage. Fait que tout ça pour dire que tous les produits sous forme de brûleur de graisse, c'est pas bon. J'en ai d'autres, hein, des produits. Alex, tu restes encore avec nous autres? Ben là, j'ai un cours, faut que je m'en aille, mais c'est tellement intéressant pour vrai, alors je ne prendrai pas de pilules amaigrissantes grâce à toi. Ah, ben, si je suis heureuse. Fait que, ben, bye Alex, ça m'a fait plaisir. Merci, bye. Bonne journée tout le monde. Bye bye. Bye. Alors, là, c'est plate parce qu'Alex, elle va manquer le bout sur les protéines. Ah! Mais c'est parce que je connais déjà tout. Ah, bon, d'accord. Fait que, tu sais, garde tes écouteurs. Tu peux continuer à nous écouter en marchant. Ah, ben, bon cours, point. Sinon, en balado-diffusion. Tu caches bien, en plus, tes écouteurs en dessous tes cheveux. Ton prof s'en rendra pas compte. Alors, un deuxième populaire que j'entends souvent parler, là, les régimes à base de protéines. Puis là, ils me disent, bon, mais c'est bon, des protéines. On prend tout ça, des protéines? Puis je me fais poser souvent la question. On a le droit de nommer des produits, hein, là? Ah! Ah, ben oui, on peut les planter, okay, là. Parce que là, je m'en parlais d'un en particulier, parce que lui, il a investi beaucoup, beaucoup dans sa campagne publicitaire. Fait que là, on se dit, on entend parler partout, ça nous donne le goût d'en consommer. Alors, Idéal Protéine. Idéal Protéine. Avez-vous déjà entendu parler? Je l'ai déjà fait. Ah! Oui, voilà, c'est bon! C'est la pire expérience de ma vie. OK. Tu manges pas, c'est déprimant parce que tu manges comme juste des affaires en sachet. Oui, tu maigris, mais même moi, c'est quand la madame elle m'a dit, mais là, faut pas que tu fasses de musculation, ton poids va augmenter. Oh, c'est là que j'ai fait comme, OK, dans quoi je me sens embarquée? Uh-huh. Je le savais déjà à l'avance que c'était pas une bonne idée, mais on voit des gens autour de nous qui le font, ils maigrissent, on est jaloux, nous autres, ça marche pas. Puis le produit est bien vendu quand même. Fait qu'on décide de vivre dans le déni puis de le faire quand même, ça coûte une fortune. Mm-hmm. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi le régime, hein? C'est un régime d'une diète sévère, là, Idéal Protéine. Dans le fond, c'est ce qu'ils suggèrent, c'est de prendre, dans leur concept à eux, là, un à deux repas par jour, parce qu'il y en a, puis là, ils disent, hein, c'est vraiment ciblé pour chaque clientèle. Mmh. Donc, ben il y a certaines personnes qui vont avoir à prendre un repas, soit le matin, ou deux repas, soit le matin et le midi. Tu ne manges pas du reste de la journée? Non, c'est parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire prendre des shakes liquides. Ah oui. Fait que tu manges liquide pour déjeuner. Ah, il n'y a pas juste ça. Oui, mais tu sais, c'est une des possibilités qu'ils vont faire, ils vont dire mange liquide le matin, mange liquide le midi. Ils vont te suggérer des suppléments de protéines, puis ils peuvent te suggérer, ça peut être de la poudre, ça peut être toutes sortes de suppléments. Puis après ça, rendu au souper, ils vont dire bon, ben, on va te suggérer telle assiette avec, tu sais, tout contrôlé dedans. Les collations, c'est hyper contrôlé aussi. T'apprends à manger où là-dedans, là? T'apprends à manger liquide, déjà. Comme une personne âgée, ouais. Non, moi, ce que j'avais fait, c'était vraiment, t'as comme une mini épicerie, tu peux choisir plein de trucs. T'avais quand même, tu sais, il y avait beaucoup des bortantes, mais ça, j'avais pas le droit de prendre deux bortantes par jour, il y avait trop de calories, tu sais, genre. Ça, c'est les bortantes qu'eux, ils suggèrent. Oui, mais c'est les bortantes idéales protéines. Uh-huh. Mais il y avait quand même d'autres trucs, là, des soupes, il y avait plein de trucs qu'on pouvait manger. Ils vendent leur matériel. Oui, hein? C'était leur truc, on pouvait pas manger autre chose. Le soir, on avait le droit à une portion de viande avec une portion de légumes. Mais attention, pas tous les légumes. Ah, c'est... On n'avait même pas le droit aux carottes parce qu'il y avait trop de sucre dedans. Donc, de fruits parce qu'il y a trop de sucre. Donc, il fallait éviter toute forme de sucre. Toutes les affaires qu'on pense qu'on devrait manger pour être en santé. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'il faut en manger. Ouais. Fait qu'on avait le droit à tous ces légumes-là à volonté dans la journée, mais aucun fruit. Puis aussi... Ah, j'ai comme un blanc. Pendant combien de temps tu fais ça, genre? Ben là, c'est ça l'affaire. Puis là, moi, je reviens sur les sucres, là. Ils parlent de sucre comme si c'était, tu sais, non, c'est notre ennemi juré, les sucres. Mais non, notre cerveau, il se nourrit de quoi? Ben, de sucre. Ah, il se nourrit de sucre. Mm-hmm. Tu sais, on le prive de sucre. Ça va être beau tout à l'heure, là. On va en faire des jeux de mots douteux, là. Puis déjà, quand ils te vendent ça, ils te vendent des multivitamines puis du calcium avec ça. Oui. Tu vois déjà que c'est louche. Oui. Mais tu te dis, ah, c'est temporaire, je ferai pas ça toute ma vie. Mais justement, tu le fais pas toute ta vie. Exactement. Puis là, tu te dis, bon, ben là, je vais faire ça pendant une période de 8-12 semaines. Puis après ça, ça va être réglé. Pis là, je veux savoir, est-ce que ça marche-tu sur le coup? Ben oui, ça marche. Ça marche, c'est incroyable. C'est sûr que tu maigris, tu manges plus. Tu manges plus, tu manges liquide, tu sais, mais tu capotes. Mais ça marche. Sur le coup, c'est sûr que ça marche parce que tu fais un déficit. Ben oui, puis là, tu regardes l'autre. Hey, moi, j'ai perdu 30. Le monde perd beaucoup. Mais le après, on peut pas tenir ça toute une vie. On peut pas acheter un produit toute une vie parce que c'est vraiment très dispendieux. Mais tu dis en même temps, on peut pas se permettre ça à long terme. Puis ça nous apprend pas quoi faire pour manger mieux. Parce que quand t'arrêtes, tu recommences à faire ce que tu faisais avant, puis tu regonfles tout de suite. Oui. Puis tu reprends le poids, puis après ça, ben là, tu viens de tout scraper ton métabolisme. Hein? Le métabolisme de base, qui soit dit en passant, c'est le nombre de calories que tu brûles au repos, assis sur ton divan. Le fait de créer un stress aussi énorme que ça à ton système va se protéger contre toi. C'est un mécanisme de survie qu'on a, puis tant mieux. C'est ce qui fait en sorte que notre espèce a survécu, parce qu'avant, il n'y avait pas des McDo à tous les coins de rue. Ça recule de plusieurs milliers d'années et on devait survivre avec nos graisses qu'on avait. Donc, notre corps il a appris à dealer avec le métabolisme de repos pour dire, si jamais je suis privée de nourriture puis qu'on commence à capoter avec une diète, ben dans les prochaines fois, je me ferai pas avoir un autre fois, je vais brûler moins de calories au repos. Pis c'est ce qui peut faire l'effet yo-yo aussi de, je prends beaucoup de poids, j'en perds beaucoup, je cause un gros stress à mon corps, puis après ça, je reprends. L'idéal, ça c'est un autre type de diète là, qu'on a parlé de protéines, c'est la même chose aussi. Tout ce qui est pensée magique, tout ce qui est on ne peut pas le faire à long terme. Puis pour une perte de poids à long terme, il faut apprendre à aller trouver les outils nécessaires pour être capable de le faire à long terme pour que, oui, faire une épicerie santé, ça peut être plus dispendieux que de s'acheter des boîtes de Kraft Dinner, on se le dit. Mais si on calcule avec toutes les dépenses qu'on peut faire autour en niaiserie de même, on se dit non, je vais faire mon budget, je vais recalculer mes choses pour 2014, pour mettre les chances de mon bord pour être capable de tenir ça à long terme. Même chose pour bouger, même si je déciderais de commencer à m'entraîner 15 heures par semaine, la semaine numéro 1, on va capoter après une couple de semaines, puis on ne viendra plus, on va avoir un écœurant, tu sais, aiguë, on ne viendra plus. Fait que c'est de trouver les solutions qui sont proposées, qui ne sont pas magiques. Hein. Déjà, en partant, si vous voyez une solution magique, sauvez-vous en courant. Ça va avoir fait deux choses. Ça va avoir fait du cardio. Puis en même temps, vous allez avoir été dans la direction opposée de ce qu'il vous suggère là, en pensée magique. Il faut toujours garder en tête aussi que toutes les pubs, c'est pour faire de l'argent avec nous. Ils profitent du fait qu'on embarque puis qu'on achète en tant qu'acheteur. Parce qu'on est influenceur. Oui, exactement. Mathieu. Oui. Fait que si vous avez besoin des trucs, parce que là, je vois qu'on va falloir terminer ça là. Moi, je continuerai à vous en jaser pendant des heures encore. Mais si vous avez besoin des trucs pour l'alimentation, j'en profite pour plugger le site que Stéphanie est dessus sur Facebook. Oui. J'ai créé un groupe, ça fait 2 ans de ça, qui s'appelle La Gang de Motivés, qui font le kilo cardio avec moi. On a commencé ça, un petit groupe on était une dizaine au début, avec de mes clients, amis, tout ça. Puis là, notre but, c'est de reprendre notre santé en main. De faire attention à notre alimentation, de bouger plus, de manger mieux. Puis là, on s'était dit une petite période de 8 semaines et tout ça. De fil en aiguille, ça a été tellement motivant. On publie des photos de nos repas ça. On parle de ce qu'on fait dans la journée pour bouger. Ça devient vraiment motivant. Puis soit dit en passant, ça motive tout le monde, mais ça me motive moi aussi, parce que le fait de voir tout le monde, il y a des avant-après incroyables de, bien, dans un nombre de temps, pas en 30 jours, là, en un an, en 6 mois, dire, la personne a commencé à se prendre en main en septembre, on est rendu en janvier, elle a eu un processus incroyable de perte de poids. On sait que ça dure. Oui, elle va nous publier des photos avant-après, puis c'est super c'est motivant pour moi. Qu'il y a eu aussi un processus de perte de poids, puis que maintenant, je suis en maintien, puis c'est motivant pour tout le monde aussi. Fait que si jamais vous avez besoin des trucs, je donne beaucoup de mon temps pour jaser avec vous, justement, pour vous aider à sortir de ces solutions miracles et magiques-là et à apprendre à manger mieux, puis à bouger plus, puis avoir du plaisir à bouger aussi. Fait que je vous invite sur Facebook, vous tapez La Gang de Motivés qui font un kilo cardio avec moi. Ça va me faire plaisir. Vous allez pouvoir jaser avec Stéphanie aussi. Oui. C'est quand même facile à trouver. Ça a commencé un petit groupe. Moi, je pense que quand je suis embarquée, on était environ une trentaine. Donc, j'étais quand même là au tout début. Puis là, on a dépassé le 1000 personnes. On est pas loin de 1200. Ça monte vite, là. Ah, c'est vraiment fantastique. Oui. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un pour répondre à tes questions. C'est ça qui est le fun. Puis aussi, des fois, on pose une question, puis on se rend compte, on n'est pas tout seul à se la poser. Il y en a plein qui se demandaient ça, puis qui n'osaient pas poser la question. Donc, c'est aussi beaucoup d'entraide. Puis, ouais, puis pour moi aussi, c'est vraiment une belle école parce que, tu sais, je me fais poser une tonne de questions. On s'entend, moi, je suis, bon, entraîneur depuis 10 ans, prof de cours en gros, mais je suis quand même étudiante en kinésiologie. Puis, regarde, c'est une formation continue à vie, hein, le domaine de la santé. Fait, quand les gens me posent des questions, puis je suis absolument pas nutritionniste, quand les gens me posent des questions, bien là, moi, ça me permet d'aller fouiller, puis d'aller apprendre, puis de trouver les bonnes réponses. Puis, à travers mon bac, ils m'apprennent où fouiller aussi, parce que des fois, sur Internet, c'est difficile aussi de trouver les informations crédibles aussi. Fait que pour moi, c'est une belle formation continue. Puis quand j'ai pas la réponse, ben je fouille ou je vais poser la question ailleurs. Puis là, on a la chance en plus, on a au moins 4 nutritionnistes qui viennent faire leur tour, dont Isabelle Huot, que je suis donc contente qu'il vienne faire son tour aussi. Puis qui viennent répondre aussi à nos questions. Puis des fois, ils vont nous aider à démystifier aussi une couple de questionnements qu'on peut avoir là, sur l'alimentation. J'ai d'autres collègues kinésologues aussi qui viennent mettre leur grain de sel pour nous donner des conseils aussi. Non, c'est vraiment super. Fait que je vous invite tout le monde aussi, si vous voulez aller vous joindre à nous, ça va me faire plaisir. Puis c'est rare des services efficaces et gratuits comme ça. C'est gratuit. On est chanceux. C'est gratuit. Je donne de mon temps pour ça, mais en même temps, je vais vous dire que c'est pas si difficile que ça. J'ai tellement de plaisir à le faire. Ça paraît. Ah oui. Puis là, ben, c'est ça, dans les aux deux semaines, je vais venir vous parler de tout ce qui peut avoir rapport justement avec l'entraînement, l'alimentation, pour essayer de vous donner un coup de pouce sur ça. Puis en plus, Stéphanie est super fine. Elle va nous partager ses petites chroniques-là aussi sur le mur des motivés. Ouais, je vais tout partager ça. Mais Mathieu aussi gentil parce qu'il va me découper la chronique aussi. Ben oui. Hein? Oh, c'est un plaisir. Excellent. Hein? Merci Mathieu de ta collaboration. À notre processus de santé. Et on va te retrouver donc aux deux semaines ici, les mercredis matin à 8h. Dans Zone Campus, on te lit aux deux semaines aussi. Oui. Sur zonecampus.ca pour lire l'article sur le blog. Je pense qu'on a fait le tour des places à te trouver. Où te trouver. Voilà. On peut la trouver au Énergie Cardio aussi. Aussi, Énergie Cardio. Oui. Yeah, la plug est faite. C'est tout. Je vais aller te trouver tantôt. Fait que dans 30 minutes au Énergie Cardio, on commence un cours de Zumba. Bon, à tantôt. Non, je travaille. Oh. J'ai l'excuse. Ben, moi, je vais y aller tantôt. Bon, ben, tu viendras me rejoindre dans le cours de fesses de fer. Ouais, un petit fesses de fer. OK. Wow. Dans une prochaine chronique, on va vous expliquer en quoi consiste le cours de fesses de fer. Parce que Mathieu, tu as de l'air perplexe. Non, j'ai des fantasmes. Un robot, Mathieu? Tu tripes sur les robots? Bien huilé. Hein? Okay. Bon, fait que c'est de même qu'on termine ça. Ouais. Ça finit bien. Merci, Cindy. Hey, merci beaucoup. Activez votre santé aux deux semaines ici à Assemblage Week. Alors, on prend une pause au retour. On va avoir 5 semaines de réponse là. Oh. Avant ça, un nouvel extrait d'Ariel. Ah ouais? Ça vient juste d'entrer là sur le palmarès. Ah, oh, tu dois être content. Mais ça... Hein? Rend stimulant, dum dum bon down, dun dun, donnez-moi de quoi toffer la run. Le dépresseur rend stimulant, dum dum bon down, fun fun, que de choix, oh joie, cacher ce corps. Le paiement d'un M maestro me mène en rond. Au retour, la chronique ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Assemblage Ruki est sur C'est fou. Mais pour l'instant, c'est l'info campus, c'est vrai. Assemblage Ruki pour toi aujourd'hui. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Ruki. Toujours à Assemblage Ruki, votre émission matinale en pièces détachées. L'émission qui fait que vous détestez un petit peu moins les matins, mais à peine, je suis un petit peu moins. À peine. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mercredi 15 janvier 2014. On a passé la première heure, c'est dur à dire parce qu'on commence à 1h30 puis il y a une reprise avant nous. C'est comme mêlant un peu. Ouais. Mais on a passé la première partie live de l'émission avec trois filles en studio plus moi. Mais ça dépend. Toi... J'ai un certain... côté féminin, c'est ça? Ouais. Ben, je le prends. Ouais, ouais. Des fois, t'as du vernis sur les ongles. Est-ce que t'en as aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Quand on va dans une grande surface, ma copine me met du vernis des fois pour les tester. Ben, OK, c'est sur en grande surface qu'elle a déjà du vernis, c'est ça? Elle met pas un vernis sur ma grande surface. Ta bédaine? Oui, merci. Voici, tiens, parlant d'acheter des choses dans des grandes surfaces. Internet, c'est une grande surface, à ce que je sache. Donc, voici, ça existe, mais ça ne devrait pas, là. T'as pas payé quand même, ça. T'as pas payé. Oui. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique des gadgets qu'on s'achète sur Internet. Cette grande surface du .com, nom de domaine et adresse IP, DNS... Ouais. Etc. Et DNS. Oui, on commence dans la cuisine, Stéphanie. Ah ouais? Ouais, la cuisine, là où on fait de la cuisine. Entre autres. Et ouais, ensuite, on transfère à la salle à manger pour manger, parce que les gens doivent différencier la cuisine et la salle à manger, apparemment. Mais c'est une salière poivrière. Tu sais, quand on dit de mettre une pincée de sel ou une pincée de poivre... Ouais. Ben, c'est des salières poivrières en forme de main, un peu comme les gants de Mickey Mouse blanc. Si on veut, parce que c'est des mains un petit peu trapues, là, tu sais. Non, mais il y a 5 doigts, donc déjà, c'est pas Mickey Mouse. Parce que les dessins animés ont tout le temps 4 doigts. C'est en effet vrai. Donc, c'est une main qui porterait un gant blanc. Mettons comme un majordome. Mais sur l'index de chacun des doigts, il y a 3 petits trous pour faire passer le sel et le poivre. Donc, c'est vraiment une pincée. C'est littéralement... C'est hot, hein? Ben ouais. Non, c'est vraiment laid. Non, c'est beau. C'est laid. 3,25 par 2,25 pouces chaque. Tu mettrais ça dans ta cuisine, toi? Non. On dirait des mains de mime. Oui, j'avoue, c'est trop classe pour moi. Ça fait genre... Non, c'est pas classe, c'est quétaine. Ben, ça ressemble un peu, ça me fait penser à, tu sais, la main qui tenait une manette. Genre, tous les salons de grands-parents avaient cette main-là en genre de porcelaine, puis tu peux mettre ta manette de télé dedans, non? Non, ma grand-mère, elle avait une tête de chien pour mettre les lunettes de soleil dessus. C'est une vraie tête de chien. Ensuite, si tu veux ne pas utiliser ces salières poivrières-là en forme de main, on reste dans la cuisine pour aller nourrir ton chat. Peut-être que on ton reste chat... dans les mains aussi? Oui, on reste dans les mains, en fait, sauf que c'est une canne de thon, mais version métallique pour le chat. C'est en stainless, je crois. C'est le Luxury Cat Dish pour faire un petit pot de vin à votre chat méchant pour qu'il vous traite gentiment ou pour gâter un chat qui serait gentil. Donc, c'est en céramique, pardon. Mais c'est plaqué argent. Voilà. C'est en céramique ou c'est en stainless? C'est en céramique. Je m'étais trompé, lui. C'est en céramique, couleur argentée, mais c'est en forme de canne de thon. Et c'est parfait aussi, les humains peuvent manger directement dedans aussi. Donc, mettons, faire une salade de thon et la mettre dans ta canne de thon, mais version céramique, plaquée, argentée. Wow. Ça a l'air vrai, là. Ça shine. Il y a même un petit genre de Photoshop shiny sur le côté. C'est ça, ça shine sur la photo. Mais shine bright like a canne de thon. Mais moi, ce que j'aime, c'est le petit dessin. Je sais pas si c'est gravé dedans ou tout simplement moulé parce que c'est de la céramique. C'est l'espèce de squelette de poisson. C'est chic, hein? Que je trouve ça beau. Oui. Mais sinon... Et c'est qu'elle est vraiment comme... Ils l'ont fait en céramique, comme on a dit, mais pour qu'elle ait l'air d'avoir été fraîchement ouverte. Donc, t'as vraiment le couvercle tordu un petit peu de la canne de thon. C'est magnifique. Donc, c'est le Luxury Cat Dish pour votre chat. Ensuite, ça, c'est cool. On aime les Legos. On aime beaucoup les Legos, toi et moi, je pense. Tout ce qui est Lego, on en parle. Oui. Que dirais-tu d'une tasse de café couverte de points pour pouvoir insérer des blocs Lego dedans? Oui. Ça serait parfait. Évidemment, c'est difficile de boire sur cette tasse-là avec les verres. On s'en sac. C'est pas grave, ça. C'est comme en avoir un sous le pied. Tu souffres, mais en même temps, c'est un Lego, fait que c'est cool. T'sais. Ben oui. C'est ça. Mourir avec un Lego rentré dans le pied, c'est une belle mort. Et voilà. Que demander de plus? Si vous avez un enfant, j'aurais pu le proposer à Cindy tantôt, qui en a deux, si je comprends bien. Que dirais-tu de les voir déguisés en poupée Bouchou? Ah, ils sont trop vieux pour ça. Trop vieux? Bah. Si vous avez des enfants jeunes, des petites perruques de poupée Bouchou, vous savez ce que c'est, là, les cheveux sont comme faits en laine. Ouais. Ce genre de tricot, si on veut. Ça coûte entre 32 et 38 $. C'est par The Lily Pad sur Etsy, qui est le petit magasin où les gens peuvent vendre leurs propres produits. On pourrait aussi, évidemment, acheter tout ça et le faire soi-même pour genre 5-6 $, là, mais... Quand même, on peut l'acheter pour 32 à 38 $. Mais roux, brun, comme blond. C'est une tuque, c'est juste une perruque. C'est comme une. Ben, d'après. Ça ressemble plus à une perruque qu'à une tuque. Je pense pas que tu irais dehors au froid, parce que je pense pas que ça protège tant que mais ça. Mais c'est en laine, je sais ouais, pas. Ouais. Peut-être. Mais ça couvre pas les côtés. Je sais pas. Ben oui, elle a des grosses lulus. Hein. Ouais, mais l'autre blonde, elle a comme une bol, une coupe de bol de. On dirait vraiment que la blonde ici, là, qui s'est mis une passoire au spaghetti, ça a la tête. Tu trouves pas? On dirait vraiment un restant de spaghetti. La rousse, il y avait de la sauce dessus. C'est ça, ah, c'est miam. Mais bon, mais pas ouais, cet âge-là. Non, non, c'est ça. C'est pas ça. Miam, là. Pour les pâtes plus que la rousse. J'espère. De 2 mois. On sait au CES, le Consumer Electronics Show, récemment, c'était la mode, la grosse affaire des wearables. Là. Tout ce qui est wearable computing, là, tous les gadgets qu'on peut porter au poignet, ah, OK, collier. Merci d'expliquer. Il y avait même des bas électroniques qu'on pouvait... Des bas électroniques. C'est, je te jure, les socks quelque chose. Oui, oui, ça... Bref, on parle pas de ça parce que tout le monde en a parlé, mais moi, je vais vous parler de la place, un wearable computer, mais pour votre chat. Oui, donc c'est le Petbit, c'est un activity tracker, donc une affaire qui surveille vos activités et tout ce que vous faites dans la vie. Pour les chats et les chiens, en fait, Petbit, qui est un petit appareil qui s'attache au collier de votre chat ou de votre chien, qui va surveiller leurs activités basées sur un système de points, un peu comme le Nike Fuel Band, qui est un bracelet qu'on porte pour les humains. Quand il faut préciser que c'est pour les humains. Ouais, oui. Donc, le Petbit se synchronise sans fil à un téléphone cellulaire. C'était à l'épreuve de l'eau, hydrofuge, etc. Les données qui sont ramassées sont aussi influencées par les... Tout ce qui est externe à votre animal, donc la température et la lumière dehors, tout ça est mis en corrélation avec les activités de votre animal de compagnie. Donc, est-ce que quand il fait plus noir, il y a moins d'activité? Est-ce que, tu sais, il y a plein de corrélations à faire là-dedans. Le Petbit va être disponible en mars. On peut le précommander pour 108 $ américains en ce moment. On peut tout savoir où est rendu notre chat dans l'appartement? GPS, je pense pas, non. Bon, ben sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Avec un GPS, j'aurais pu trouver ça cool. J'aurais pu être dans le salon et savoir si elle va manger dans le plat de bouffe de l'autre chat. Dans l'autre pièce. Ça, ça aurait pu être pratique. J'avoue, avec un petit choc électrique, là. Non! Pour dire, hey, sors de là. Non, non, mais pour vrai, elle capoterait. À chaque fois qu'elle se mettrait la tête dans l'autre bol, elle aurait un petit choc électrique. Elle fait comme, mais voyons, comment elle fait pour savoir que je suis là? Voyons, j'étais fou, le Sneaky Ninja. Sneaky Ninja! Ouais. Wow! Donc, c'est ça, activité, évidemment, qu'on peut surveiller là-dessus. C'est super léger, écran en haute résolution, toujours très, très important pour l'appareil que tu mets sur ton animal de compagnie. Ben oui. Et on dit qu'un animal actif est un animal en santé. Donc, évidemment, moi, je vous dirais aussi de peut-être juste aller le promener. Non, mais au pire, regarde le poids de mon chat. Tu le vois qu'il n'est pas en santé et qu'il n'est pas assez actif. Ouais. Pas besoin d'un gadget électronique pour savoir ça. Et t'en as beaucoup moins que sur un bracelet pour humain. Donc, t'as vraiment juste le détecteur de mouvement, la température, l'accéléromètre et le sensor de luminosité extérieure. Mais si tu mettais juste un bracelet pour humain, t'aurais sûrement la plupart des mêmes... Mais ça doit être plus grand. Ouais. Mais là, ça veut dire que mon chat pourrait pas aller sur Facebook, c'est ça? Ah non. Ah ben là. Non, tu pourras pas liker. Mais j'aurais aimé ça qu'elle ait avec son petit bracelet sur son petit Facebook de chat. Il garde ça pour la version numéro 2.0. Ah. Allez voir sur petbit.com, P-E-T-B-I-T.com. J'aime vraiment l'association entre pet et bit. Pour les francophones, c'est génial. Ensuite, on revient à l'alcool. Ah? En fait, on n'est pas embarqué dans l'alcool aujourd'hui encore, mais dans les chroniques, on a tout le temps moins de mentions. Bon, on a parlé de poutine à la bière un peu plus tôt dans l'émission. Il y a ça, et justement, peut-être que vous allez pouvoir garder votre poutine d'alcool sur votre mur, dans votre que ce soit dortoir ou n'importe quel autre endroit où vous vivez, que vous soyez à l'université ou ailleurs. Donc, impressionnez vos amis, entre autres vos colocs, copains et copines, avec ce wall-mounted liquor dispenser, où on peut mettre 4 bouteilles. Ah. Et vraiment, il y a un mécanisme à ressort qui va relâcher 1,5 once, un genre de l'équivalent d'un shooter, si on veut, quand tu appuies sur un bouton. Ça va coûter 50 $ shipping gratuit. Tu mets ça sur ton mur, quelle bouteille de boisson pour filles? Pourquoi de boisson pour filles? Tu peux mettre ce que tu veux. L'affaire bleue, c'est clairement une boisson pour filles. Fruit de la passion, c'est dis-moi pas que c'est pas pour filles. Ouais, puis l'affaire à droite, là. Je sais pas, il y a de la vodka pure, je pense, à gauche. Ouais, il y a de la vodka, puis du whisky. Ah, whisky, monsieur, madame. Donc, tout ça sur le mur, 4 fois, 4 bouteilles. Donc, évidemment, si vous voulez en mettre plusieurs, 50 $ chaque, on pourrait faire une tapisserie. Une tapisserie de bouteilles. C'est parce que ça prend de l'argent aussi pour acheter des bouteilles d'alcool. Ah, après. Ça vient pas avec. T'as bien raison. Donc, 50$ avec shipping gratuit. Allez voir sur assemblagerequis.com. J'en veux un. J'en veux deux. Fais-tu mieux? Pourquoi? J'en veux trois, j'en veux quatre. Non, mais je veux pouvoir les remplir. Aha! Ensuite, tiens, quand on amène sa boîte à lunch, des fois on a des lunchs un petit peu plus petits, des fois des lunchs plus gros, mais ce qui est dommage, c'est quand ton lunch est trop gros que ça ne rentre pas dans ta boîte à lunch. C'est vrai ça. Je sais pas, ta boîte à lunch est gigantesque. Il y a ça. Donc en Norvège, on a réglé le problème que je n'ai pas parce que j'ai une belle boîte à lunch que tu voulais acheter, mais en mauve. Toi aussi, un jour peut-être. Si vous passez du temps chaque matin à faire votre lunch et vous vous rendez compte que c'est trop gros, ben en Norvège, on a votre solution. C'est le Complete Food Skin de la compagnie Unikia. Et Complete, là, Complete écrit avec E-A-T à la fin comme dans manger, c'est un jeu de mots, c'est incroyable. Donc votre sandwich va arriver à la job ou peu importe, de la même façon que vous l'avez fait parce que c'est complètement élastique. C'est un genre de... c'est un silicone élastique, très, très élastique même, qui va tenir votre sandwich. Donc, c'est parfait pour n'importe quelle autre nourriture. Et quand t'enlèves ton lunch de dedans, ça va devenir complètement plat. Ah, on dirait un étui à portable. Vrai? Vraiment. C'est très beau. C'est le Complete Food Skin disponible en bleu, en vert menthe ou en mauve pour 25€, donc 35$ environ. Ah, c'est cher. Mais la Norvège, c'est un beau pays. C'est de là qu'ils viennent, Ylvis, truc qu'on a mentionné dans Tu manges mon cœur la semaine passée. Ouais. Pour ceux qui suivent. Je suis. Je pense donc je suis l'émission. Pour ceux qui trouvent que ça sent mauvais dans la salle de bain, c'est le mot... Laquelle? Toutes. On pourrait suggérer ça à Sodexo, monsieur Sod. Exo? Sod. Sod, bec et câlin. Sod, exo. Bec et câlin. Donc, c'est le Muji Toilet Paper Roll Air Freshener, qui est un rafraîchisseur d'air, là, un truc qui sent bon, qui vient du Japon et qui se cache dans votre salle de bain en forme de rouleau de papier de toilette. Ah, mais là, ça, c'est chiant, par exemple. Admettons que t'es sur la toilette, que tu manques de papier, mais là, tu te dis, oh, j'irai pas en chercher, tu sais, avant. Il y en reste, il y a un rouleau qui reste là. Puis là, tu te rends compte que c'est un sans bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'essuies avec? Ben là, tu vas le sentir dans ta main, t'es-tu conne? Mais non, tu comprends pas la mise en situation. Moi, c'est pas grave, je me comprends. Moi, je trouve que c'est un leurre, je me ferais avoir, je trouve ça plate. Bon, ben laisse faire d'abord. Moi, je vais m'en acheter un tout seul. Mais de toute façon, moi, je suis pas très de l'avis qu'on devrait montrer ces rouleaux de papier de toilette à grandeur. Mais en fait, c'est ça que j'étais en train de me dire à la seconde. Tu caches ça. Ben, tu mets ça dans un tiroir, dans une armoire. Et ça coûte en plus 42$ ce parfum. 42$! Pas convaincu, mais l'idée est bonne, par exemple. Ben non, on vient de dire qu'on voulait pas les montrer, les rouleaux. C'est sûr qu'ils les montrent, tu sais. Je sais pas. Tout insulté. C'est là. Ça, mon produit. Ensuite, quand vous chargez un gadget, par exemple une tablette ou un téléphone cellulaire, par USB dans le mur, vous voulez savoir, Colin, le voltage et tout ça et combien, comment ça marche tout ça? Non. Oh, c'est le nom pas en tout. Le USB Power Current Voltage Tester de la compagnie Brendo vous permet de mesurer l'électricité USB, le courant, le voltage. Vous avez qu'à brancher l'adaptateur entre l'appareil et votre ordinateur sur une prise de courant. Et l'affichage va vous montrer le courant et le voltage. Ça fonctionne avec téléphone et tout le reste. 10$, disponible chez Brando. Moi, j'aurais espéré qu'on me dise le pourcentage de batterie sans ouvrir l'appareil et peut-être combien de temps ça va prendre avant que soit rechargé, tu sais. Ben moi, je pensais que ça allait être ça, mais moi, si tu me dis le voltage qui sort de là, je veux dire, ça me dit rien. Moi non plus, en fait, je suis pas électricien du tout, mais bon, c'est sûr que ça pourrait intéresser. J'avoue que moi non plus, ça m'intéresse pas en fait, celle-là. Tu sais, je veux dire... Ah oui, il y a tant de volts. Je pourrais même pas te donner une approximation, là. En tout cas, lui, ça dit 1375, je pense. 1375. Quelque chose, là. OK, next. Non, mais je pense pas. Tu sais, quand tu dis, coudon, tu t'es mis les doigts dans le 220, c'est pas ça? Tu sais, mettons que tes cheveux d'un dans le 320. Elle dit, ben, quelle idée? En tout cas, hey, je donne des chiffres approximatifs. Là, on a l'air... On passe beaucoup trop de temps sur un gadget qui est finalement pas très utile pour ni l'un ni l'autre de l'équipe d'assemblage. Et probablement personne à l'écoute non plus. Sûrement. Donc, à la place, on va y aller avec le prochain. C'est la lampe c'est une lampe qui est 24 modèles en un parce que c'est un carnet en forme de lampe, okay? Un carnet de papier. D'accord? Donc, vous allez pouvoir, avec la Page Turner Lamp, qui est donc un carnet de papier avec 6 différents designs de lampes dessinés dedans. On peut changer de page quand on veut et il y a 6 pages vides où on peut dessiner son propre design et ça fonctionne par USB. Donc, la lampe est dans le carnet. Tu branches par USB, ça s'éclaire et tu changes de page. C'est cool. J'imagine que c'est des lumières qui chauffent pas. pour pas que ça brûle. C'est des lumières LED, donc non, en effet, ça va durer très très longtemps. C'est le fun. C'est très cool. Et disponible en rouge et en blanc pour le l'abat-jour. OK, fait que là, au lieu d'être des bandes dessinées, c'est des lampes dessinées, c'est ça? Des lampes dessinées. Ouais, ah, c'est j'aime cool. ça, c'est bien. C'est cool. Ça coûte 5 $ de... Non, 20 $ plus 5 $ de shipping, voilà, le prix. Bon, c'est pas super, mais c'est une lampe, ça n'a pas l'air gros. Ils mettaient ça à côté de l'ordinateur, c'est comme une petite lampe de table. De chevet, si on veut, là, exactement. Non, pas de chevet, de table, ah, de bureau. Excuse-moi, il y a une différence entre chevet et table? Ouais, mais chevet, ça, c'est à ton chevet. Okay. Quand tu dors, mais okay. ça, c'est trop petit, là. Tire la chevillette et la les lampes de chevet, chevra. Chevra. Oh, oui, la chèvre. Oui, c'est ça. Ça c'est mais. Ensuite, quand tu déménages souvent, t'es un nomade, OK? Oui. Ou une famade, c'est comme tu veux. Une quoi? Une famade. Un nomade. Une famade, le féminin d'un nomade. Genre, ouais, tu comprends? C'est cool. Oui, je la comprends. C'est bon. C'est, j'aime ça. Merci. C'est quasiment intelligent. Note-la donc, voir nomade et chevade. Non, non, mais. 8h56, on va prendre le temps. Tu me dis qu'elle était vraiment bonne, ça. Et famade. Ouais. D'accord. Ensuite, tiens, donc si vous êtes nomade, vous venez déménager souvent quand il vous faut la Floyd Leg, 190 $ pour changer n'importe quelle surface plane, tu sais, plate, en une table parfaite pour manger, utiliser comme bureau, comme petite table de chevet. donc quand t'as besoin de déménager, t'as juste à enlever la patte et t'en aller avec ta plaque de bois. Ça vient donc évidemment, c'est des pattes, donc ça vient en ensemble de 4. Avec une pince pour attacher après n'importe quelle donc surface et ça se détache facilement. C'est disponible en noir et en blanc, en modèle de 29 et de 16 pouces. Chaque patte est produite à Détroit et construite à partir d'acier américain. Un acier américain. Donc là, sur n'importe quelle plaque, planche de bois, mélamine, ancienne porte, je pourrais continuer longtemps. T'sais. Ouais. À la place d'acheter une table, t'as pas besoin d'une table pour ton chevet qui est vraiment très très. Ben oui. Non, je. Tu demandes à un archevêque de te construire l'archevêque. C'est une blague. Hey, non, mais je sais pas quoi répondre à ça. Ben, je l'aurais fait. Je vais faire comme si t'avais rien dit, c'est ça? D'accord. Comme au moins une fois sur deux. Ouais. Ensuite, tu sais, une montre. C'est le fun parce que, tu sais, genre, il y a un mécanisme dedans pour que les aiguilles tournent une ancienne montre, tu sais. Oh, une montre pas numérique, là. Genre, les anciens, anciennes montres old school. Si tu pouvais faire la même chose, c'est parce que ta ceinture, souvent, les trous sont à un espace de genre 1 pouce, 2 pouces de tu sais, de. Peut-être pas 2, mettons 1 pouce ou 1 demi-pouce. Mettons, il y a un espace entre chaque trou. C'est tout le temps jamais. Tout le temps. Oh, c'est bizarre. C'est soit. C'est jamais trop proche ou trop au bon loin. Endroit. C'est exact. Donc, il y a une ceinture qui s'appelle la R22 Mark, d'accord? De la compagnie Bugatti. C'est la Mechanical Belt Buckle. À l'intérieur, il y a un truc un petit peu comme dans des montres. Okay, comme dans les montres très sophistiquées. Un petit mécanisme. Exactement. 100 composantes fabriquées à la main, des bridges, des cogs, des wheels, des pignons, des affaires que je connais pas, des ressorts et tout ça. Bref, fait que tu vas pouvoir ajuster ta ceinture vraiment exactement à la bonne distance de trou. Ah, oh, c'est intéressant, ça. C'est fun. Ça vaut juste 84 000 $ Juste 84 000 $ T'es-tu sérieux? C'est un mécanisme. Non, loin. Mais t'es-tu sérieux? Je suis complètement sérieux. C'est chez Roland, la compagnie. Non, mais au pire, tu sais, il existe. Tu sais, les espèces de ceintures en tissu, là, qui étaient à mode, là, à un moment donné, ouais. là, pendant 2 semaines. Oui, oui, oui. Tu mettais armé ça. Un peu, style. Ben, tu sais, ça fait sac à dos. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu mettais ça dans le petit truc en métal, mais tu sais, en tissu, fait que tu pouvais l'ajuster comme tu voulais. C'est parfait, ça. Parce que ça barrait. Ça coûtait combien? 8,4 $ au lieu de 84 000 Ben non, mais 8,4, là, avec l'inflation, là, ça devait être comme 5$. 2 pour 5$ chez Ardennes. 2 pour 5$? Ah, c'est clair. Arrête. Mais bon, chez Roland Iten, c'est des appareils, des affaires de très, très de luxe qu'ils vendent là-bas. Donc, allez voir ça sur Assemblage Ben oui, Bugatti. C'est pédant. Ben c'est ça, juste 84. J'aime mieux les spaghettis. Spaghettis. Moins cher. Quand t'es à la maison et que t'as envie de regarder un film sur ton iPad ou lire sur ton iPhone, peu importe, n'importe quel appareil, en fait, c'est même pas obligé d'être un e-appareil. Donc, il y a bien des gens qui utilisent ça dans le sofa ou dans le lit et souvent ton fil n'est pas assez long pour te rendre jusqu'à la table de chevet. Hein? Ben non. Donc, à la place de t'acheter un plus long fil, ce qui est la méthode beaucoup trop simple, là, quand même, pourquoi faire simple, il te faut la Power Pillow à 79 $ qui est un oreiller qui vient avec une batterie à l'intérieur. Donc, tu peux te coucher n'importe comment sur ton lit ou ton divan et charger ton gadget pendant que tu l'utilises. En étant assis sur ton chargeur, finalement. C'est cool. Sûr. Les coussins sont comment? Sont-tu beaux? Oui, ils sont beaux. Ils sont genre en zigzag gris et blanc. Genre deux sortes de gris. Avec un petit zip rose sur le côté. Attendez-moi donc. Vas-y, éternuer. Oui, ouais. Et? Première fois à vie. Ça m'est jamais arrivé, je pense, d'éternuer en ondes. Pour vrai? J'ai toussé en ondes énormément, mais jamais éternué. T'aurais laissé le micro ouvert pour garder ça dans les annales, les archives. Ouais, non, OK. J'aurais pu. Donc, peut-être qu'on aura une autre. D'habitude, j'en ai trois, fait, de suite. Ça vient en emballage de trois. Donc, si vous avez maintenant. Et donc, c'est vrai que... C'est un bon trio. C'est vrai qu'une batterie rechargeable de 12 000 mAh, truc, patente de courant et autres trucs qu'on parle pas, là, parce qu'on connaît pas ça. Donc, le Power Pillow qui est présentement en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter, on demande 79$ pour votre propre Power Pillow. Voilà, c'est... C'est très drôle, t'as dit ça, que l'oreiller, le coussin est en train de... Ça, j'ai vu le petit coussin en train de taper sur son ordi pour faire son propre... Bon, c'est une belle image. Dois être fatigué. Ça doit être ça. Moi, je suis pas sûr de ça parce qu'on entend tellement souvent parler de chargeurs d'iPhone qui ne sont pas faits par Apple et qui explosent en Asie. On entend ça fréquemment dans les nouvelles. Pour vrai, ben non. J'ai pas entendu ça. Ben, il faut t'écouter le Mathieu Plante Showman. Moi, c'est une émission plate. Le Mathieu Plante Showman. C'est une émission qui parle de plat asiatique. C'est le mercredi à 16h. Non. Pour vrai, fait que l'Asie explose là, à cause des chargeurs. Il y a bien des. Ben, tu sais, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Les journalistes et ceux qui veulent créer la nouvelle en créant de la grosse confusion et de l'hystérie de masse. Ensuite, on revient au bacon, comme toujours. Il y a toujours au moins un gadget de bacon. On aimerait pouvoir boire, entre autres, de l'eau au bacon. Déjà que tu bois du café au bacon, de l'alcool au bacon, tu manges un burger au bacon. T'as juste à recycler ton gras de bacon puis à le mettre dans ton eau. Miam, tu me donnes des idées. Ah, j'ai mal au cœur. Donc, il te faut les Effervescent Bacon Drink Tabs. Just add water! C'est des petites pastilles de bacon effervescentes qu'on met dans un verre d'eau ou encore pire, dans un verre de jus ou de liqueur. C'est ce qu'ils disent. Hein. Ça ajoute une saveur fumée un peu, une saveur de viande à n'importe quelle boisson. Évidemment, on se demande si on est capable de digérer ça parce que je me rappelle avoir mangé des gommes au bacon avec toi. Moi, je le mettrais directement dans un verre de Pepto-Bismol. Yeah, non, pas l'original. Celui à la cerise, peut-être, mais l'original, ça goûte la crêpe pour finir. Ben non, ça goûte tout simplement la Paparman. Ouais. 2,30$. Pardon, 2,30$. Ça va pas bien aujourd'hui côté digestion. 2,35$, je pense que je pourrais pas digérer ces bacon tabs. Non, c'est dégueulasse. 2,35$ pour ce bacon effervescent. Ensuite, on parle encore de fast food. Les burritos, c'est toujours excellent sur le ventre, ça. C'est très, très facile à entretenir dans l'estomac. Donc, la Burrito Box vous propose d'acheter des burritos 24 heures sur 24. Hein? C'est une machine distributrice de burritos. Ouais. En effet. Mais tu vas voir que c'est quand même pas si pire parce qu'il y a 5 variétés de burritos. Donc, tu as aux patates grillées, bacon, bœuf émietté, style shredded, poulet et saucisse chorizo. Et chacun se vend 3$ plus taxes. Et tu peux acheter de la crème sure, du tabasco ou du guacamole pour un extra. Et quand tu passes ta carte de crédit, la machine va te jouer de la petite musique et des petites vidéos. Et pendant que ça va te réchauffer un burrito, donc c'est pas un burrito genre qui tombe froid puis tu vas faire réchauffer dans un micro-ondes. Il est chauffé dans la machine même. C'est quand même cool, mais j'aimerais ça que ça soit autre chose que des burritos. Il devrait y avoir une plus grande variété. Pour que je puisse aller me bourrer tôt. Bourrer tôt le matin. Bon. C'est à West Hollywood si vous voulez vous y rendre. Les photos et du repas en tant que tel qui a l'air. Ça ressemble à un burrito que t'achètes genre dans un congélateur chez Tic Géant, là, tu sais. Mais réchauffé. À 2,1$, moi, c'est ça. Ils sont bons quand même. Je les conseille. ensuite, on revient à l'alcool. Enfin, si on pouvait parler juste d'alcool. Hein. Ben oui. Ta bouteille de vin que t'as à la maison, des fois, tu peux avoir peut-être, je sais pas, quelqu'un qui s'occupe pas juste de ses affaires puis qui prend ton vin, qui va te prendre une coupe de vin dans ta bouteille de vin que t'as durement payé. Ah, non. Labeur de ton... À la labeur de mon front. C'est à la labeur de mon beurre. Donc, la VinoVault, c'est un puzzle pour vos bouteilles de vin. C'est un code en 5 lettres. Tu as 12 millions de combinaisons possibles. Mmh. Et ça dit que c'est ça que tu peux donner des indices peut-être à la personne pour peut-être un jour lui faire boire, peut-être lui donner en cadeau, tu sais, peut-être. Puis dire, tu sais, il y a un code à faire dessus. C'est un mot en 5 lettres qui a c'est rapport cool. avec X. J'aime ça. Très bonne idée. Donc, c'est beau. C'est comme 5 petites genres de molettes, roulettes autour du bas de la bouteille. Et en haut, ben, c'est un bouchon qui retient pour pas que tu puisses enlever le vrai bouchon de la bouteille. Oh, j'aime ça. C'est beau en plus. Oui. C'est combien? Il y a des raisins dessus. Ah, bonne question. C'est combien? C'est VinoVault sur le site d'Amazon, bien sûr, Amazon.com. On a pour entre autres 25$ et c'est sur Amazon Prime. Donc, vous pouvez l'avoir vraiment rapidement si vous le voulez. Mmh. Ouais! VinoVault. J'aime ça, c'est tombé un beau cossin. Un beau petit cossin. On reste dans les beaux petits cossins, les affaires qui se mettent, qui se mangent ou se boivent. On y va avec se du mettent, chocolat. Se mangent ou se boivent. Boive. Bien dit, en effet, j'apprécie. Donc, si vous, à la place de donner des fleurs à la Saint-Valentin, par exemple, vous voulez peut-être donner du chocolat, ben pourquoi ne pas faire les deux, mais pas vraiment. C'est le point, okay. Ça a l'air bizarre dit même, c'est Grow Your Own Chocolate Scented Flowers Kit. C'est pour faire pousser des fleurs qui sentent le chocolat. Mais c'est juste agace, ça. Un peu, hein. C'est clair, j'en prends de mordu. Ouais. Pauvre petite fleur. Et d'ailleurs, tu dis, mais les fleurs ne sont pas mangeables. Donc, ben, oublie ça, j'en prends de mon dé quand même. J'attendais pas une autorisation quelconque. Ah, d'accord. Okay. Donc, sur le site de perpetualkid.com, on nous vend ces pots-là pour faire des fleurs à senteur de chocolat pour 14$, mais c'est plus en stock en ce moment. Je suis vraiment curieux de savoir si ça sent le vrai chocolat ou le... Le genre de caroube. Le faux arôme de... Genre de Hershey, là, qui a sa à saveur chocolatée, mais qui n'a pas vraiment de chocolat dedans. Bon. Ceux qui ont une vieille voiture, qui utilisent encore une cassette avec un petit fil pour brancher dans l'iPhone ou l'iPod. Ben oui. Ça existe encore, il y a des gens qui font ça. Il y en a plein de toutes les compagnies. Ici, c'est le cassette adapter Bluetooth. La nouveauté, c'est que c'est par Bluetooth. Plus de fil. Bluetooth. Donc, l'adaptateur utilise le Bluetooth pour créer une solution sans fil pour suivre la musique de votre téléphone ou autre lecteur. En fait, c'est pas mal plus juste les téléphones parce que les iPods, en tout cas les iPods classiques, n'avaient pas de Bluetooth. Bref, un appareil qui a du Bluetooth dessus, c'est ce que ça veut dire. Il y a une batterie rechargeable par USB qui va durer 6 heures de lecture. Pas de prix ni de date de sortie pour l'instant, mais l'idée est bonne quand même, je trouvais. Mais on dirait que si ça sort trop tard, plus le temps avance, il doit y avoir beaucoup moins de gens qui ont des lecteurs cassettes, mais plein d'appareils Bluetooth. Je sais pas si tu vois un peu... Ouais. Non, j'avoue, en effet, ça a comme plus ou moins... Mais c'est comme un entre-deux, mais en tout cas... Mais il peut y avoir aussi même encore des mini-chaînes stéréo, parce que là, les cassettes reviennent à la mode. Ouais. Donc, si tu as une mini-chaîne stéréo, tu pourrais mettre ta cassette dedans, puis tu peux être assis sur ton divan. C'est pas obligé d'être dans la voiture nécessairement, là. C'est vrai, ça. Fait que tu pourrais être dans ton salon, puis jouer sur ton iPod, sur ton iPhone ou iPad ou autre quelque chose. L'appareil. Puis tu pourrais faire jouer ça dans ta mini-chaîne stéréo. Ben, calme, je pense que tu me l'as quasiment vendu, cette cassette adapter Bluetooth. C'est une bonne vendeuse, ma chère. Ensuite, tiens, pour ceux qui vivent dans des endroits où il fait un petit peu froid, mais qui ne sont pas aussi froids que le Québec, mettons, vous allez habiter dans une partie un petit peu plus moins fraîche, mais qui a quand même des petits bouts froids. Il vous faut les bar mitts, des petits bouts froids. Bar mitzvah? Bar mitzvah, exactement. Pour vos petits bouts froids, qu'on appelle aussi les mains communément. Les petits bouts froids! Donc, c'est l'accessoire parfait pour ceux qui font du vélo dans des villes où il fait un petit peu moins chaud, mais pas un nécessairement froid. Un petit peu froid. Moins 20. Un petit peu moins 20. Aïe, aïe, aïe, c'est, on est en feu. Donc, c'est ça, c'est à l'épreuve de l'eau, à l'épreuve du froid. Donc, c'est des mitaines de néoprène donc, qui fonctionnent sur la plupart des poignées de vélo, etc. Pas etc., juste de vélo. Ça protège vos mains de la pluie, du vent et de la neige. Scooter, mettons. Peut-être scooter aussi, j'imagine. C'est parfait pour pouvoir entrer ses mains et les sortir, mais ça reste pogné après les poignées du vélo. Ah, ben là. C'est quand même le fun. Ça s'installe très facilement grâce à des zips. Et tu as du velcro pour tout tenir en place. Tout ça pour 45$ sur Amazon. Tu vas t'y faire voler. Probablement, oui. Probablement. Autant que le siège de ton vélo, c'est un siège en gel ou en mousse. C'est ça. Amène-les avec toi au travail ou ailleurs. Est-ce que je vais y aller avec quelques derniers rapidement des affaires que j'ai pas le choix de faire? Tiens, de retour à la cuisine, on va vraiment se dépêcher là-dessus. Le stéréo, c'est un jeu de mots avec stéréo, mais pour brasser, S-T-I-R. Donc, c'est un brasseur automatique avec deux pinces qui s'ajustent sur n'importe quel chaudron. Donc, ça brasse virtuellement n'importe quel chaudron. Et faut être connecté. En fait, non, c'est ça. T'as pas besoin d'être connecté parce que ça fonctionne sur des piles rechargeables et ça se défait pour mettre au lave-vaisselle, sauf le moteur, évidemment. C'est chez Unikia pour 66$. Donc, tu mets ça sur ton chaudron à la bonne distance et puis ça tourne tout seul. C'est cool quand même. Mais ça tourne, est-ce que ça brasse comme un peu, mettons, des pâtes ou ça pourrait aller assez vite pour fouetter une sauce, faire épaissir une sauce? Bonne question. Allons voir un petit peu sur le site de Unikia. Donc, ça devrait revenir en stock. Ce n'est pas pour l'instant. Ça dit que c'est ici, tiens. Assez gros pour un très très gros chaudron en 45 minutes environ pour brasser des risottos, du ragoût, nous dit-on. Donc si on peut brasser du ragoût, j'imagine qu'on peut brasser des pâtes aussi. C'est quand même assez consistant. Non, mais c'est ça. Ça veut dire que c'est plus pour à long terme que pour... c'est parce que si tu fais épaissir une sauce, il faut que tu fouettes quand même. OK, non, je pense pas que c'est pour fort, ça. Mais justement, un risotto, il faut que tout le temps, tu brasses. C'est plus pour justement pas te faire mal au bras en brassant pendant 45 minutes. C'est ça, parce que c'est ça, un risotto, c'est quand même très long. Il faut que tu brasses sans arrêt, que tu ajoutes du liquide. C'est très long. Donc là, tu peux te concentrer sur le liquide. Et pas brasser. Concentrez-vous toujours sur le liquide. Oui, c'est l'important. La leçon de cette édition de Sexy, c'est ça de deux réponses. Ben oui. Au retour, la chronique Zone Campus avec Stéphanie Paradis. C'est moi, ça. C'est toi? Ah, yeah! Mais pour l'instant, ceci. Woo! écoutez 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Et vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées, les Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Blanc. Et oh. Oui, et oh. On s'en va au boulot. Et oh, oh, oh, oh, de la lecture dans son campus. On regarde les journaux. Ah, c'est ça. Et oh. Et oh. On regarde les journaux. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Dur de croire que tout ça était improvisé! On s'est pas repris deux fois, tu sais. C'est la première chronique Zone Campus de 2014. C'est le premier numéro, d'ailleurs, de l'année. C'est le volume 9, numéro 9, qui est en kiosque du 14 au 27 janvier 2014. Et Stéphanie Paradis, ma co-animatrice, est aussi la rédactrice en chef du journal Zone Campus. Quel hasard! Incroyable. Donc, on va en parler de ce journal-là qui vient de sortir hier. On va parler plus tard du Parti de la rentrée qui est en couverture, parce que ça, c'est en art et spectacle. On va commencer en actualité, pourquoi pas. Oui, on va commencer avec la citation qu'on retrouve dans le générique à gauche. Donc, je vous lis. À papier coupé, ne regarde pas l'argent... Non, je me suis trompée. Ah non, Steph, on recommence. À papier coupé, ne regarde pas l'arbre plein d'argent. Et c'est une citation de Jean-Philippe Charbonneau. Et ça, c'est vraiment le directeur général de C'est fou Zone Campus, du GME, qui nous a dit ça et qui a dit « Mettez pas ça comme citation. » Non, il a pas dit ça. Il a juste fait « Ah, ouais, c'est... » Je suis comme « Prends ça en note! » Et ça, c'est bizarre parce que vu que c'était pas la radio, on n'a pas les archives. T'sais. On n'enregistre pas nos conversations à temps plein. Non, c'est ça. Hors ronde, ça reste hors ronde d'habitude. On fait tout le gag de « Je note l'heure. » 10h42. Donc, on commence avec le bilan 2013 de l'AGE-UQTR, ce que j'appelle l'AGE-QTR. Donc, une année chargée de nouveautés. Donc, l'année 2013 en a été une de nouveautés, de changements. De nombreux projets ont pris vie et plusieurs successions au sein des postes d'officiers ont été de la partie. Donc, on vous parle en gros des démissions qu'il y a eu récemment, donc pour le début de l'année, avec les nouveaux officiers et les postes encore à pourvoir. On parle aussi de la première session de la halte garderie et du nouveau site Internet de l'AGE. AGEQTR.org. Org. Org. On en parle bien sûr avec Roxane Dulon les lundis à Assemblage Requis. Toujours en actualité, la compétition québécoise d'ingénierie 2014. Donc oui, la 13e édition qui va se tenir à l'UQTR. Donc cette année, c'est au tour des étudiants de l'École d'ingénierie de l'Université du Québec à Trois-Rivières d'accueillir la compétition québécoise d'ingénierie. Donc l'événement va se dérouler du 30 janvier au 2 février à l'hôtel Sakakomi de Saint-Alexis-des-Monts où se tiendront majoritairement les épreuves. Mais il va y en avoir aussi sur place à l'UQTR. Donc on a aussi un beau comité pour tout ça. Donc... Bravo, l'UQTR. Bravo! Yeah. Et bravo aussi à Justine Renaud, notre chroniqueuse du mercredi matin à 7h30 avec sa chronique Justine au platine. On la retrouve dans son campus parce qu'elle a fait une recherche sur le resveratrol. Mais oui, on parle beaucoup de Mme Renaud ces temps-ci, un peu partout. Donc, ce sont les effets positifs d'une molécule du vin sur le cerveau. Donc, Justine Renaud, qui est étudiante au doctorat en biologie cellulaire et biologie moléculaire. Donc, on comprend jamais rien quand elle parle. Non, mais tellement intelligente. Ah, oh, c'est incroyable. Donc, elle effectue des recherches sur le resveratrol, qui est un antioxydant qui se trouve entre autres dans le vin rouge et qui aurait des propriétés cardioprotectrices et anticancéreuses. Donc, le but de ces recherches est d'explorer le potentiel neuroprotecteur de cette molécule. Donc, ça pourrait aider pour certaines maladies aussi, comme le Parkinson. Ah oui. Donc, des recherches très importantes. Donc, c'est des gens comme ça que ça nous prend pour sauver l'humanité. Exactement. Et c'est des gens comme ça que ça nous prend pour faire des bonnes chroniques à la radio. Donc, j'ai pas dit tantôt, mais c'est aux deux semaines, donc c'est mercredi prochain à 7h. Donc, en fait, des gens comme Justine s'en prend partout parce qu'elle est comme super polyvalente et une vraie école. Une vraie quoi? École. Une vraie école, comme polyvalente. D'accord. Isabelle Lacharme, maintenant, étudiante au doctorat en psychologie. C'est le prochain article. Oui, donc là, on parle des mots derrière les uniformes, donc mot MAUX. Oui, c'est pas écrit genre, tu sais, Lacharme en arrière de son, de son chandail. Ça une petite veste avec... ouais. Donc, lorsqu'on a une douleur inexplicable et qui perdure, le réflexe est de se consulter... Hey, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi-même, qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est de consulter un centre spécialisé en santé qui nous confiera un soignant. Donc, leurs apparences rassurantes et leur expression bienveillante ne nous laissent pas un seul instant soupçonner ce qu'ils endurent dans l'exercice de leur profession. Donc, on nous parle un peu les problèmes, les mots psychologiques, entre autres, derrière le travail de soignants, donc que ce soit infirmiers ou tout ça. Il y en a plein, là, préposés aux bénéficiaires. On a plein de gens qui s'occupent des autres, mais qui, dans le fond, auraient besoin d'aide eux aussi. Pas facile comme travail. Alors, on a une nouvelle chronique en actualité. C'est celle de Sébastien Evgartin. Ça s'appelle « La belle-mère ». C'est nouveau de cette session-ci. Donc, c'est lui qui remplace Laurent Constantin qu'on avait à Assemblage Requis avant. Sébastien Evgartin. Donc, commencer 14 du bon pied. Donc, je suis contente. On n'a pas de 2000. Enfin! On a commencé 14 du bon pied. Donc, les 12 travaux de l'AGE. OK. Donc, en ces temps de cynisme généralisé par rapport à la politique, le dernier souci de l'étudiant moyen est bien la politique étudiante. Donc, si la politique provinciale et fédérale ressemble à un cirque de cravatés qui font des courbettes pour pouvoir continuer à se servir dans nos poches, certains semblent faire un rapprochement avec le fonctionnement des associations étudiantes. Si vous pensez que votre AGE se fout de vous, c'est peut-être qu'elle remplit mal son mandat. Donc, 12 travaux de l'AGE, bien entendu, ce qu'ils auraient à changer pour supposément bien remplir leur fonction. Donc, il n'y a pas les 12, parce que déjà, il y en a quelques-uns à travailler avant de passer aux autres. Et aussi important, il explique le nom de sa chronique. Donc, pourquoi la belle-mère? Donc, si vous voulez comprendre tout ce qui s'en vient dans la session, c'est important de lire celle-là pour bien comprendre le titre de sa chronique. Parfait, on le lit à chaque numéro à la page 5 du Zone Campus, toujours à la même place. Oui. Toujours en actualité, création du CIROD. Donc, un avancement pour le développement durable. Donc, c'est un des principaux freins à l'opérationnalisation du développement durable. Et sans aucun doute, la crainte des entreprises et le manque de connaissances, explique Régent Sanson, directeur général du CIROD et professeur titulaire au département de génie chimique de Polytechnique. Dans le fond, le but de ce centre est de rassembler le plus de gens possible avec des expertises différentes afin de faire la promotion du développement durable, entre autres. Tout à fait. On salue les nouvelles journalistes en actualité. On a Annie Boisjoli-Bélanger et Diamandra, qui est un peu sur leur page ici. Attention. Diamandra Arli Ramisanitra. Enfin, c'est à peu près ça? J'espère. Ouais. Il nous reste le portrait reportage en actualité. C'est celui de Gabrielle Dubuc, la gérante de la chasse à Sarrazin. Oh que oui! Quand tu trouves des signes sur ton chemin, tu peux les mettre dans ton sac Wakan, m'avait dit cet été une vieille Amérindienne qui tentait de me vendre un de ces petits sacs de cuir qu'on porte sur soi. Je n'ai pas acheté le sac en question, mais si je l'avais eu sur moi ce jour-là, j'y aurais certainement mis mon café. Oh. Donc, portrait-reportage très, très intéressant, comme toujours avec Myriam. Tout à fait. On passe en société maintenant et on débute avec Kevin Gaudreau et Entre les deux pôles. Donc, l'impression d'être utile, un remède, entre guillemets, face à l'ennui. L'être humain est généralement fait pour s'occuper à plusieurs activités, tâches, projets et défis au cours de son existence. L'impression de se sentir utile ou avoir le sentiment de pouvoir participer ou de changer les choses peut se présenter comme un besoin au cours des différents cycles de la vie. Ensuite, il y a la chronique « Tout est bizarre » avec Nicolas Gauthier. Donc, il nous parle de la mode. C'est bien étrange une mode, non? Qu'est-ce qu'une mode sinon qu'une norme conformiste d'apparence? D'une autre part, les modes sont aussi un art. Qu'on les suive de manière assidue ou qu'on s'en éloigne le plus possible dans la marginalité et l'anticonformisme, il n'en demeure pas moins que l'on s'approprie un style qui, souhaitons-le, soit en synchronisation avec ce qu'on veut dégager. La mode et le style ne sont peut-être que deux versants d'un même objet. Personne n'échappe aux modes. Intéressant. Lily Brunet-Saint-Pierre, qu'on connaît d'Assemblage Requis, va revenir cette session aussi d'ailleurs. L'aplomb dans la tête, c'est le nom de sa chronique. Donc oui, une chronique très cinglante qui a pour titre « La Maison Blanche de Marie-Lou ». Je ne vous en dis pas plus, car vous devrez l'écouter ici ou aller le lire. Petite agace. Oui. Donc, ça vaut la peine. Vraiment, oui. Vraiment. Tout à fait. Et Jean-François Veilleux avec « Je me souviens au pouvoir citoyen ». À mort le tabac! Oh. Point d'exclamation. J'espère que mon copain écoute. Je vais le faire lire, je pense. Donc, janvier! Moi, des bonnes résolutions. Profitons de ce début d'année pour parler d'un sujet social encore assez tabou, malgré les nombreuses initiatives que le gouvernement entreprend depuis 30 ans pour faire décrocher les gens à une terrible drogue dure, la nicotine. Oh, le diable! On accueille deux nouveaux chroniqueurs dans la section société à cette session-ci. On commence avec Normand Leclerc, « Changer la vie ». Oui, l'être humain est-il un animal religieux? Donc, Normand Leclerc, étudiant à l'Université de troisième âge, il nous avait écrit une lettre d'opinion à la dernière session. C'était un coup de cœur total avec son écriture et son style. Donc, il est de retour maintenant pour chaque numéro. Donc, très intéressant. Il nous dit « Qui suis-je? Je ne pense pas que la question intéresse grand monde. » Mais, comme elle risque de se poser éventuellement, autant y répondre maintenant. Donc, qui est-il? Et ensuite, le reste de la chronique, « L'être humain est-il un animal religieux? » Donc, très intéressant Et il répond même à une ancienne chroniqueuse du Zone Campus, Stéphanie Gladue. Oh. Donc, c'est très intéressant. Cool. Et PRNDS, la nouvelle chronique de voiture, la chronique automobile. En fait, lui aussi, on va l'accueillir éventuellement à Assemblage Requis. C'est confirmé, ça commence la semaine prochaine, le mardi à 7h30. Et sa chronique que j'appellerai dorénavant Prince. Prince. Prince. J'ai même écrit une petite chanson, mais je veux pas la faire tout de suite. Oh! Ah ben là! Je pense encore. Ouais. Ben donc, je vais pas m'attarder sur ce sujet, sur la chronique, en fait. Le titre, Blague arabe. Il était une fois une voiture de 5000 chevaux. Bah! Bah! On n'est pas supposé rire, c'est juste les Arabes qui la comprennent. Ah, excuse-moi. On a aussi en société la sous-chronique, sous-section loisirs avec le petit wiki illustré sur les résolutions oui, du nouvel an et les jeux avec Sudoku, mots croisés et mots mystères. Avant de passer à un spectacle et sport qu'on va faire juste au retour, pour l'instant, on écoute une nouvelle entrée de The Pack 80 sur le palmarès anglophone. Voici à l'instant Big Shot sur C'est fou. C'est pas le fun, hein? Prince. Big Shot de Pack 80, toujours la chronique Zone Campus avec Stéphanie Paradis. On était rendu en art et spectacle et on commence avec le party de la rentrée. Du rock à l'état pur! Donc, le 9 janvier dernier, la GUQTA a présenté son party de la rentrée alors que la Chasse-Galerie et le 10-12 accueillaient respectivement Triple Rock et Mononcle Serge avec les sportifs. Donc, une belle soirée rock. Et en l'honneur des Jeux de Sochi qui auront lieu en février prochain, Mononcle Serge jouait devant un immense drapeau des Olympiques et partageait avec ses musiciens le typique uniforme d'activité physique des années 80. Malgré que ça n'avait pas l'air très vraiment d'une activité physique, là, et avec toutes les photos qu'on a vues, il y avait tout le temps de bière dans les mains. Ouais, vraiment. Genre, on essayait d'en prendre une parce qu'il n'y avait pas de bière. Ouais. Pas c'est facile. Très rose et mauve, le décor de Mononcle Serge à ce spectacle-là. Cool. Caïman Fou au Gambrinus. Une musique pour la scène, le groupe de musique Caïman Fou est monté sur les planches du Gambrinus le mardi 10 décembre dernier dans le cadre des Mardis Live. Il était de passage dans la région mauricienne pour présenter son dernier album intitulé « À des mille » qui est paru le 2 octobre. Donc, une ambiance feutrée attendait la cinquantaine de spectateurs qui s'étaient déplacés pour l'événement. Ils sont bons et ils sont le fun, quand ils m'en foutent. C'est la fin d'une époque. Il n'y a plus de lundi de l'humour au Manchester. Ben non, c'est peut-être la fin d'une époque au Manchester Pool Pub de Trois-Rivières. Donc, déjà après 7 ans de soirée humoristique, ben, les responsables des lundis de l'humour de Trois-Rivières ont décidé de cesser leurs activités. Peut-être un nouveau projet à l'horizon qui s'en vient pour le Manchester, toujours dans le cadre humoristique, mais pour l'instant, les lundis de l'humour, c'est mort, malheureusement. Dommage. Les frères Lemay étaient au Nord-Ouest Café récemment. Oui, donc on a célébré l'arrivée du Nouvel An avec de la musique traditionnelle pour le temps des fêtes. Donc, c'était le 26 décembre. De la musique traditionnelle, du plaisir, mais surtout une ambiance festive ont envoûté le premier étage du Nord-Ouest Café. Donc, ils ont joué leur musique à eux, pas vraiment un registre nécessairement plus traditionnel de chansons connues, mais leur musique est assez festive pour célébrer ce genre d'événement, selon eux. Mm-hmm. Il y a eu le vernissage de mandalas psychédéliques. Qu'est-ce que c'est, des mandalas ou mandalas? Je sais pas si on prononce le S, je crois pas, parce qu'au singulier, il n'y a pas de S. Là. Okay. Donc, moi, j'avais jamais entendu le nom, mais je sais c'est quoi. Là. C'est particulièrement à la mode ces temps-ci. Des ronds, c'est symétrique et il faut colorier pour se relaxer. C'est un peu spirituel. Donc, c'est à l'embuscade du centre-ville de Trois-Rivières qui présente l'exposition Mandala avec un S. Donc, prononcez-le dans votre tête si vous voulez. C'est du 9 janvier au 5 février 2014. Donc, c'est un univers psychédélique et méditatif de l'artiste multidisciplinaire Thaïs Barbieux. Donc, elle a commencé à en colorier quand elle était très jeune, mais à un moment donné, elle a décidé de dessiner ses propres mandalas. Donc, elle les dessine et c'est tout un art, c'est très minutieux, donc très intéressant. Cool. Allez, on passe en sport. Bien sûr, on a parlé avec Cindy tantôt, sa chronique Activer votre santé, donc on n'en parlera pas tant que ça, mais c'est les résolutions miracles du mois de janvier. Oui, des résolutions miracles, entre guillemets, bien important. Donc, on a un peu plus aussi d'informations sur d'autres là, qu'on n'a pas eu le temps de parler. Donc, ça peut être intéressant d'aller lire sa chronique aussi. C'est sûr. Oui. Faut faire les deux. En volleyball, médaille de bronze pour les Patriotes à la Coupe de l'Est. Oui, volleyball. Chaque année, le cégep de Limoilou accueille à la première fin de semaine de janvier la Coupe de l'Est du Canada. Cette coupe se veut un tournoi préparatoire pour les équipes collégiales universitaires du Québec, de l'Ontario et des Maritimes. Donc, pour la deuxième année consécutive, les Patriotes de l'UQTR sortent de ce tournoi avec une médaille en poche en Division 1. Donc, le club avait remporté l'argent l'année dernière. Ils repartent avec le bronze cette année. Donc, ça s'est très bien déroulé pour les demoiselles. Et une nouvelle coupe déjà s'en vient très prochainement. Donc, ça va très bien en volley-ball féminin. Bravo. Et on termine en hockey avec les Patriotes qui ont joué et gagné bien des affaires. Mais écoute, les Patriotes raflent tout sur leur passage. Donc, il y a déjà eu premier match le 7 janvier dernier qu'ils ont remporté. Et ensuite, des victoires, même une très écrasante, on pourrait dire, contre les voyageurs. Donc, ils ont gagné 12-3, donc c'est assez impressionnant. Moi, j'aurais pas aimé être les voyageurs. Mais ils vont les visiter en fin de semaine prochaine. Donc, j'ai bien hâte de voir s'ils vont avoir une vengeance ou si ça va rester toujours aussi fracassant comme défaite aussi. Pas juste la victoire qui est fracassante. Il y a la défaite qui est assez fracassante. Dans ta face! On leur souhaite bonne chance pour le reste de la saison de hockey avec les Patriotes, bien sûr. C'est tout pour le journal Zone Campus, volume 9, numéro 9, du 14 au 27 janvier 2014. Donc, le prochain sortira le 28 et on se retrouvera le mercredi suivant, donc le 29, si je comprends bien. Hein, je suis pas pire en maths. T'es pas pire, hein? Oui, hey, 28 plus 1. Ouais, c'est un grand talent. Donc voilà, partie de la rentrée qui est en couverture, c'est très très rose et mauve. Vous ne pouvez pas le rater de très très loin, le nouveau Zone Campus. Il y a beaucoup de vert. Il y a quand même beaucoup de vert. Un drôle de vert aussi. Donc voilà, zonecampus.ca pour le blog. Likez la page Facebook de Zone Campus. Clic, clic, clic. Je viens de liker trois fois. Aïe, t'as pas le droit parce que là, tu t'es déliké puis reliké, fait que ça marche. Non, je me suis créé deux autres comptes. Ah, oh, wow. Ouais, t'es forte avec des faux courriels et tout ça. Stéphanie Paradis. On a des faux fans sur la page de Zone Campus. Hey, quelle affaire. Donc, rédactrice en chef du journal Zone Campus, Stéphanie Paradis, merci beaucoup. Et non seulement merci pour la collègue Zone Campus, mais merci pour ta participation à Assemblage Recu aujourd'hui. Ah, c'est déjà terminé. Oui, on a déjà fait nos 2 heures. Donc, on se retrouve demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Demain à l'émission, on aura Véronique Mire qui va être de retour avec la lettre J dans sa chronique Le Véronictionnaire. Ah! Yeah! Hey, on va apprendre comment faire pour hacker sa vie avec les instructions d'assemblage. Et Stéphanie Paradis, si je ne me trompe pas, tu vas nous faire déguster quelque chose dans les dans un nouveau segment. Je ne dis même pas le nom. Dans la bouche. On garde ça pour demain matin. On va avoir du fun. OK, oui. Yes. Mais hein. Pour l'instant, passez une très belle journée. Écoutez le dîner de con qui s'en vient avec Dany Janvier à partir de 11h. En après-midi, il y a plein d'affaires. Moi, je vais de retour avec le Mathieu Plante Show à 16h. Donc, soyez-y pour ça. Il y a des nouvelles émissions aussi qui commencent cette semaine. Donc, cif.ca pour la programmation complète. C'est tout. À demain. À demain. Bonne journée.